Bonsoir à tous et bienvenue dans cet épisode hors série de Déviation. On a décidé de faire un épisode centré sur une rétrospective de l'année 2020. Alors, on est avec la même équipe que la dernière fois, donc avec Jonathan. Salut. Chloé. Bonsoir. Et Adam. Bonsoir. Alors on a décidé, on s'est dit que cette année elle était plutôt mémorable. C'est une année qu'on pourra raconter avec nostalgie, hein, surtout à nos futures générations en leur disant ah là là, peut-être que toi tu te tapes un 65 degrés en hiver à l'ombre, mais te plains pas parce que nous on a eu le Covid. Voilà. Oui, mais nous, on a un virus préhistorique qui est sorti de la glace. Exactement. Donc, on a décidé de faire un petit tour de ce qui s'était passé en 2020 et aussi vous recommander des choses que nous, on a aimées cette année. Parce que cette année, on a quand même eu le temps... de s'occuper à consommer des produits culturels, notamment. Voilà. Alors, dites-moi votre année 2020 en un mot. Très bien. Particulier. Ok. Okay. Long. Long. Ok. Ah, c'est vrai que c'est... Ah, quoique, non. En fait, finalement, non, je la trouve pas si longue que ça cette année. C'est à la fois long et à la fois ça passe vite, quoi. On n'a plus de notion du temps. Tu te dis, mais putain, ouais. En fait, ça fait un an qu'on est, quasiment un an qu'on est dans cette histoire et qu'on n'en est pas sorti. Et pourtant, ça donne l'impression que c'était hier, quoi. Et ça, c'est assez dingue. Bah, c'est long parce que plus monotone, surtout, je trouve. Mais bon, après, ça me recase de prouver le contraire. Alors, vous, qu'est-ce que vous avez fait de vos confinements respectifs, est-ce que vous avez pu, malgré tout, surpasser l'ennui et par quels moyens, Chloé? Alors, moi, j'ai beaucoup regardé des séries, mais ça, c'était déjà dans mes habitudes. C'est juste que là, j'ai eu plus le temps pour en regarder. Et j'ai continué à lire des livres, à rattraper mon retard aussi en film culturel. Enfin, en film... classique, ultra connu, ouais, les classiques, exactement. Voilà à peu près ce que j'ai fait. Jonathan, Nous on a quand même créé le podcast, c'est déjà pas mal. C'est ça, même... et ça c'était du taf. Ça, je peux te dire. Exactement, ouais. Ça faisait des années qu'on y pensait. Mine de rien, on a commencé à en parler au premier confinement. Je pense. Premier confinement, donc ça a quand même pris plusieurs mois. C'est ça. On va pas se mentir. Après, je pense que j'ai tenté pas mal de trucs qui n'ont pas abouti, mais c'était plutôt, on va dire, une période d'émulation d'un point de vue créatif, parce que le fait d'être enfermé, ça te laisse du temps pour penser à plein de trucs que tu n'aurais pas fait à côté. Je sais pas, j'étais du genre à installer un jour un logiciel pour faire la musique, en faire une semaine, arrêter, tu vois, mais c'était plutôt sympa, parce que j'ai pu tenter plein de trucs que je ne retenterai jamais, mais que j'ai pris du plaisir à faire, sur le coup. Et peut-être découvrir des trucs que tu pensais ne jamais retenter et que tu retenteras malgré tout parce que ça t'a emballé. Ah non, je suis né partout. D'accord. Très bien. Bon, alors. Au moins, voilà, voilà. Et toi, Adam? Bah, moi, au final, alors que je me considère comme un grand paresseux, je me rends compte que j'ai fait pas mal de trucs. Déjà, le premier confinement, j'ai fini mon mémoire de master. Je me suis fait le statut d'auto-entrepreneur, alors que c'est ultra chiant, j'aime pas la paperasse. J'ai fait un projet d'entreprise avec un pote, même si... voilà. qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai aussi testé un logiciel de musique, je me rappelle plus le nom, parce que en fait je l'ai désinstallé vu que mon ordi est mort depuis. Enfin, donc du coup, je l'ai pas désinstallé, mon ordi est juste mort. J'ai fait un peu de dessin, voilà. Ok. Et je me suis inscrit à ce que je fais cette nouvelle année scolaire, donc ça va en fait. D'accord. Mais c'est vrai que c'était une année qui nous a permis de étant donné qu'on avait du temps malgré nous en fait de faire des choses dans lesquelles on n'aurait jamais pensé pouvoir se lancer. Et ça, c'est plutôt chouette. Enfin, prendre le temps de, bah, comme tu disais, dessiner ou faire de la musique, comme vous disiez avec Jonathan, ou rattraper son retard dans les classiques. C'est vrai que c'est toujours un truc. Moi, c'est. En fait, au début, t'as toujours une phase de putain, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps? Je vais m'emmerder. En fait, tu trouves toujours. Enfin, moi, personnellement, c'est quelque chose que je vois comme ça. Moi, j'ai pris le temps pour. Me dire, je suis pas quelqu'un de très manuel et je me suis dit, allez, go, je vais essayer de faire quelque chose de mes mains histoire d'être un peu fier de moi à ce niveau-là. C'est vrai que tu as créé une borne d'arcade, Oui, n'empêche. c'est ça. Et surtout, j'ai créé un super ordinateur que j'ai vendu au MIT. Non. Chapeau. Non, non, mais je me suis fait une petite borne d'arcade en suivant un tuto sur internet. Et c'était plutôt chouette. Donc voilà. Et j'étais plutôt fier de moi, mais en fait, le problème, c'est que je l'ai terminé en 2 jours. Et j'étais là en mode genre, bah c'était censé être le projet d'un confinement. C'était censé pouvoir me tenir un peu longtemps, mais je me suis tellement lancé dedans à fond que ça allait un peu vite. Bah, niveau manuel, non mais niveau manuel, ce que je peux ajouter aussi, et je pense que Victor, tu pourras nous parler de tes épopées culinaires. Mais moi, je me suis pas mal mis à la cuisine aussi, chose que je ne faisais pas du tout avant, puisque d'avoir le temps pour pouvoir le faire, c'est tout bête, mais franchement, voilà, quand t'as des heures devant toi avant le repas, forcément, ça, tu te bouges un peu plus le cul. Et du coup, je me suis mis à cuisiner. Alors, c'était pas des plats extraordinaires. Mais c'était des plats, quoi. C'était pas juste des pâtes. Bon, Genre après, ça n'a pas quoi? duré très longtemps. On a un moment aussi, ce qui était plutôt sympa, c'était qu'on s'envoyait pas mal de recettes avec des amis et on s'est tenté des classiques du style bœuf bourguignon, des choses comme ça, qui finalement sont pas très compliquées à faire. Du moment que... Enfin, ça fait très. C'est des recettes assez simples, mais c'est quand même des plats qui sont assez consistants et des vrais plats. Moi, avant, je cuisinais rien de plus qu'un œuf. Ou à la limite mélanger deux trucs, tu vois. C'était déjà un sacré progrès. Mais du coup, j'ai trouvé ça plutôt cool. Et aujourd'hui, j'aime cuisiner à petite dose, hein. Pas tout le temps, mais puisqu'on va pas se mentir, ce que j'aime pas faire, c'est des courses. Alors clairement, j'ai jamais rien pour cuisiner. Mais quand je peux cuisiner, j'aime Et moi j'ai trouvé un truc incroyable pour ça, c'est le drive. Genre tu pars de chez bien. toi, en 10 minutes c'est réglé. Tu t'interagis juste avec une personne, il y a une personne qui te dit voilà, t'ouvres ton coffre, elle te remplit ton coffre et tu te barres et t'es là genre yes. Et alors voilà, c'est peut-être pas très très bien pour les personnes qui travaillent dans ces Ouais, grandes elles sont là enseignes. pour ça. Non, Au moins, pas ils ont du le tout. travail. Exactement. Ils vont pas se plaindre quand Non. même, hein. Oh. Oh mon Non, Dieu. après, il y a un truc aussi, mais je pense que ça pourra faire l'objet d'un podcast. C'est aussi, j'ai pris du plaisir à m'ennuyer. Alors, ça fait très philo dit comme ça, mais c'est vrai. Vraiment, des moments où j'ai vraiment rien fait et ça faisait longtemps que j'avais vraiment Mais rien. est-ce que pour autant tu t'ennuyais? Bah, quand t'es en train de regarder ton plafond, hein, je pense que. Je sais pas comment Ouais. t'appelles ça, mais. Après, oui, Bah t'es j'imagine plus que tu c'est peux. pas parce que t'es dans tes pensées que tu t'ennuies après, hein. Non, mais après, ça dépend le type de pensée. Mais encore une fois, je pense que c'est sujet à débat, je suis d'accord avec toi. Mais moi, je te parle vraiment de mode où t'as pas forcément des pensées lourdes, t'as pas forcément une réflexion, t'es Ouais, juste ouais. là. Et moi, j'associe ça là. C'est pour ça que je trouve que c'était important de choisir son partenaire de confinement. Pour ma part, j'avais choisi ma mère parce que sinon j'aurais été confiné avec ma sœur et c'est impossible parce que ma sœur, elle est hyper active. Je peux pas. Alors que ma mère, elle est comme moi et du coup, c'était génial. On se comprenait quoi. Jamais je me sentais obligé de travailler juste parce que par culpabilité que voilà, c'était mon histoire. C'était très touchant, merci Adam pour Waouh, ce franchement, je suis témoignage. hyper ému. En tout cas, un grand bisou à Isabelle si elle nous écoute. Ouais, Isabelle, formidable personne. Mais en fait, là, ce que tu décrivais, Adam, pardon, Jonathan. Quand tu disais que tu prenais le temps juste en fait de buller, enfin basiquement c'était un peu ça. Ça s'appelle du coma, Jonathan. Tu étais mort en fait, Jonathan. Et quelle formidable expérience, on j'ai est, envie de dire. on est dans ta tête. Non, mais blague à part, c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'arrivais à faire à une époque, mais que j'arrive plus à faire. Et quand tu dis ça, en fait, ça me tique, tu vois, parce que je me dis, mais putain, mais c'est vrai qu'à une époque, j'arrivais juste à me mettre là. Et en fait, maintenant, avec nos téléphones et tout, on est hyper sollicité. En fait, c'est difficile de ne rien faire du tout, en fait. Vraiment, tu vois, genre, tu vas prendre un bouquin, tu vas prendre une. Mais c'est surtout que tu ne fais jamais rien. Genre, tu peux jamais répondre à tu fais quoi, je fais rien, parce que tu t'es en train d'écrire sur ton téléphone. Je me rappelle ces discussions qu'on avait en quatrième. Ouais, tu fais quoi? Rien et toi? Rien. TFK. Bah non, en fait, c'est ça. Et en fait, est-ce que vraiment, quand t'es allongé dans ton lit à regarder ton plafond, tu fais rien? Bah non, parce que je pense que tu réfléchis ou tu dis, ah, le plafond, il a une toile d'araignée à cet endroit-là. Enfin, tu sais, enfin, je pense pas que tu puisses vraiment t'arrêter en mode gros blanc, parce que même en pensant au blanc, tu fais quelque chose qui te fait penser au blanc. Moi, par contre, il y a un truc que j'arrive à faire, en fait, c'est ces moments de réflexion. En général, je les ai sous la douche. Donc après, c'est pas très très écologique parce que je pense beaucoup sous la douche, on va dire, très longtemps. Et aussi quand je marche, des fois je marche juste pour me déplacer. Et juste voilà. Et en fait, quand tu prends le temps juste de regarder ce qui se passe autour de toi quand tu marches et de rien faire d'autre, tu sais, pas forcément de musique dans les oreilles ou quoi que ce soit, mais en fait, tu découvres plein de choses que t'as jamais vues, même si. Si c'est si c'est des endroits dans lesquels tu passes tout le temps en fait devant, tu découvres que bah tiens en fait ce volet-là il y a un petit motif dessus qui est rigolo. Ça m'a fait ça. Je parle juste rapidement. Après je te laisse la parole Adam, mais dernière fois j'ai vu un truc comme ça, une baraque devant laquelle je passais tout le temps et en fait j'ai regardé les volets. Et je me suis rendu compte que le motif, c'était des vieux volets en bois avec un motif gravé à l'intérieur. Mais un trou, tu sais, enfin, ça faisait un jour, des fois t'as des cœurs, des trucs comme ça. Bah là, ça ressemblait vaguement à un phallus, comme on dit. Et ça m'a fait rire. Voilà. Oui, Adam? Merci pour l'histoire. De rien. Magnifique conclusion. C'est peut-être l'occasion pour moi de placer une reco qui est un film d'animation qui est sorti le 25 décembre sur Disney+ et qui s'appelle Soul. D'accord, c'est le Pixar là, le dernier Pixar. Ouais, et en fait ce que tu disais, ça me faisait penser à ce film-là. Sur les volets avec les bits dessus. Sur le Bon, bon, fait bon, je croyais qu'on de parlait de Disney+. prendre son temps, observer tout ça. Parce que, en fait, ouais, je vais essayer d'en parler sans trop spoiler. Et peut-être que aussi, je n'ai pas forcément bien compris le message du film, ou en tout cas, c'est l'interprétation que j'en fais. Mais dans ce film, donc, t'as un gars, il est prof de musique, donc on le voit au début, c'est pas un spoil. Mais lui, il aimerait bien faire autre chose, il aimerait être un vrai musicien qui joue dans un groupe de jazz et tout. Il se retrouve par une certaine péripétie à devenir un mentor pour des âmes en devenir, c'est-à-dire des âmes avant qu'elles rentrent dans des corps de bébés, quoi. Et du coup, il se retrouve avec une âme qui veut rien faire. Elle a pas de vocation, rien, machin. Et du coup, bah, il essaie de lui faire trouver une vocation à cette âme. Et il y a un moment donné où cette âme, elle a une réflexion sur. Genre, ils arrivent à aller sur Terre, et puis je sais pas, elle voit le ciel, une feuille qui passe, elle bouffe une pizza, et elle se dit putain, j'aime bien et tout. Bref, je veux pas en dire plus parce que je veux pas spoiler. C'est un peu ça le message du film, c'est qu'au début, t'as l'impression que le message c'est ah bah oui. Le but de l'existence, c'est tout ce qui est autour de la vocation, quoi. Faut que tu trouves une passion, que tu la fasses à fond, machin. Et en fait, tu te rends compte que le film te dit, bah non, c'est juste l'envie d'avoir envie, comme dirait Johnny. C'est juste, ça passe par des petits plaisirs, des petites choses, et voilà. Ok. Chloé, tu voulais intervenir? Ouais, parce que du coup, c'est comme tu disais, Adam, ces petits plaisirs, voilà, le fait de prendre le temps. Ça, je m'en suis vachement rendu compte, bah, d'une part par le confinement, mais aussi parce qu'on a adopté un petit chien, enfin qui est en fait un gros chien, du nom de Paco, donc juste avant le premier confinement. Et mine de rien, j'avais jamais eu de chien avant, et mine de rien, ce chien-là, quand tu le promènes ou même quand tu le caresses ou quoi, ça te permet vachement de prendre le temps et c'est assez particulier comme moment, tu te rends compte de plus de choses, je trouve. Alors voilà, parce que je connaissais pas ça, hein, peut-être que c'est l'effet des chiens sur tout le monde, mais c'est vrai que le promener sur un chemin que j'ai déjà, enfin, pour atteindre ma maison, qui est, enfin, un chemin de 700 mètres, voilà, dans la pampa et tout ce que vous voulez, mais que j'ai emprunté des milliers de fois, c'est-à-dire depuis 10 ans, hein. Bah, tu te rends pas compte que, ah tiens, il y a un arbre à cet endroit-là, cet arbre il est un peu comme ça, ah il y a un noisetier ici, oh tiens donc, un noyer oui, ici aussi. Et ça fait vachement, ouais, prendre le temps. Rien que d'avoir un animal, voilà. Pardon, c'était peut-être pas Non inopportun. mais ouais, c'est vrai que des fois même juste se poser sur canapé et caresser ton chien, t'es content. Et en plus voir je trouve que les chiens, c'est marrant parce qu'ils s'emmerdent pas, alors qu'on pourrait se dire putain mais le truc, il va chercher la balle, il te voit, il est content, il remue la queue et il mange, mais juste ça lui suffit. Bah ouais. Et encore quand il joue, parce que là le chien qu'on a adopté, il joue pas. C'est-à-dire tu lui jettes un bâton ou quoi, il le regarde, il fait ah, ok. Donc en fait littéralement il ne fait que manger et dormir et se faire caresser. Mais il s'ennuie jamais. Même si tu pars une demi-heure ou 15 jours, il sera toujours content de. Enfin, en tout cas moi, me revoir. Oui, parce que voilà, il lui manque quand même un truc, c'est, enfin, pour qu'il soit heureux, il lui faut un contact, un lien social. Et finalement, c'est un peu ce qu'il nous faut à nous aussi. Est-ce qu'il nous faut beaucoup plus? Je ne sais pas. Est-ce que nous ne sommes pas que des chiens au final? Bah, en vrai, c'est un peu ça, le fait de dire oui, bah, on n'est pas comme les autres animaux. Pourquoi, en fait, pourquoi est-ce que ça nous suffirait pas, comme les gorilles, de manger ce qu'on veut, de, je sais pas, enfin, d'avoir juste des activités de plaisir? Et juste par rapport à ça, Chloé, c'est quoi comme chien? C'est un border collie. Oh putain, moi aussi. Les Sauf que meilleurs c'est chiens le du plus monde. paresseux des chiens. Genre, il ne court que si tu lui dis, bon, allez, viens, allez. Donc, ce qui est assez paradoxal pour un chien qui est de berger, enfin, chien de berger, quoi. Voilà. Trop bien. Jonathan, toi, t'avais des choses. Voilà. Voilà. Non, après, je voulais juste rebondir, mais bon, c'était il y a un petit moment déjà, mais sur le côté réseaux sociaux et toujours être enfin, relié à son téléphone, moi je trouve que le confinement fait pas mal de bien parce que j'ai aussi voulu me déconnecter un petit peu de la sphère ambiante assez négative. C'était normal, c'était le contexte qui voulait ça. Mais du coup, j'avais supprimé pas mal de choses, je lisais plus les médias, j'allais plus sur Twitter, c'était là où je m'informais pas mal. Et en vrai, ça m'a fait vachement de bien, tu vois, parce que je coupais mon téléphone la moitié de la journée. Et ça a aussi participé à ce côté où je pouvais vraiment rien faire, entre grosses guillemets. Mais en tout cas, je pouvais me perdre dans mes pensées. Du coup, voilà. C'était juste pour Oui, Chloé. revenir sur ça. Du coup, tu vois ce que tu dis, Jonathan, pour moi, c'était complètement l'inverse. C'est-à-dire qu'avant, j'allais pas plus que ça sur les réseaux sociaux et tout ça. Et pendant le confinement, comme j'avais du temps, alors là, mais mec, je passais jusqu'à 3 heures par jour sur Facebook à scroller, mais tu sais, indéfiniment, quoi, ce fléau qui est le scroll infini. Et au final, c'est hyper anxiogène. Tu te lèves le matin, t'as une notification du monde, je sais pas, 12 000 morts, je sais pas où, dans le fin fond du monde à cause du Covid, et t'es toujours là-dessus. Et pour moi, ça a été l'effet contraire. Donc, si t'as des recommandations à me donner là-dessus pour décrocher. Désinstalle les applis de ton téléphone, ça te fera du bien. Super Mais ouais, recours. non, c'est vrai que le climat ambiant était c'est vrai que soit tu le prenais de plein fouet, un peu comme ce que tu racontais, Chloé, Soit t'essayais de t'en détacher au maximum parce que tu pouvais pas être dans un entre-deux, quoi. Soit t'étais angoissé, soit t'étais détaché, mais c'était quand même assez difficile à gérer, je dois l'admettre. Ce truc où, en fait, surtout ce côté genre, ouais, ça va, ça va, ça va, là ça va plus. C'est ça. Et t'es là en mode genre, go, ok. On était là, tu sais, genre, une semaine avant le confinement, genre, ah là là, ces Italiens. C'est ça. Genre... C'est ça. Et du coup, vous vous rappelez, enfin, c'est peut-être un truc con, mais vous vous rappelez quand, où vous étiez et tout ça, quand l'annonce du premier confinement est tombée? Enfin, parce que moi, ça m'a vachement marqué, enfin, je sais pas vous. Ouais, moi je m'en souviens, c'était en fait, c'était en plus quand je travaillais à la médiathèque, et en fait on était en plein dans une expo. Alors notre section numérique, elle a une expo tous les 2 ans, donc c'était le grand événement pour nous, et on a dû l'interrompre. Et en fait, du coup, on était un peu deg, surtout qu'on s'était donné, mais bon, après on avait fait sur les 2 mois d'expo, on avait fait 1 mois et demi. Donc bon, c'est un moindre mal, même si ça fait chier, quoi, mais c'était une expo en plus sur le jeu vidéo indépendant, c'était vraiment très très cool. Et en fait, on voyait le truc se rapprocher, et c'est vrai qu'avec avec le boulot, en fait, c'est vrai qu'au contact de tes collègues, moi j'ai quasiment que des collègues qui sont plus âgés que moi, qui ont des enfants, et tout, qui parfois, il y a des collègues qui sont des personnes à risque aussi, qui commençaient à angoisser petit à petit. Et c'est vrai qu'en fait, par rapport à ça, ça devenait un petit peu pesant. Et en fait, au bout d'un moment, on a appris, genre moi je l'ai appris dans la presse, que le mardi où je devais commencer ma semaine, en fait, la médiathèque allait être fermée. Et en fait, c'est le soir même, il y avait l'annonce du président, et en fait, j'étais chez un pote et tout, et on a regardé ça ensemble en mode, ouais, bon, bah, c'est sûrement la dernière soirée qu'on passe en dehors, donc profitons-en. C'était un peu space. Et vous? Alors moi, du coup, j'étais en Belgique quand il a annoncé, mais je suis revenu le jour, je pense, juste avant que ça s'applique, c'était le jour des élections, si je ne me trompe pas, ou quelques jours avant. Et c'était assez drôle, enfin je sais pas, mais en tout cas, j'ai traversé toute la France, du coup, en voiture, il n'y avait personne qui était dehors, sauf en arrivant dans le sud-ouest, ou dans le beau département du Tarn-et-Garonne, parce qu'il faut quand même le dire. Là, je suis arrivé dans le Tarn-et-Garonne et j'ai vu des gens aux mairies qui se faisaient des grandes accolades, qui étaient devant un barbecue devant la mairie, tu vois. Et c'est là que j'ai compris que ça allait mal se passer. Mais c'est vrai que j'avais oublié que ça, cette histoire des élections municipales, putain, c'est vrai que c'était lunaire aussi, ça, c'était complètement C'est hallucinant. clair. Enfin, en même temps, enfin, c'est facile de juger après coup, mais sur le coup, on était là en mode genre, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave, est-ce qu'on va se prendre un truc dans la gueule, est-ce qu'on va pas se prendre un truc dans la gueule? C'est vrai que c'était difficile à analyser, même si on avait plein d'exemples qui montraient que ça pouvait être violent. C'était difficile en fait, de s'imaginer ça, parce que c'est brutal, en fait. Et ouais, et toi, Chloé, tu disais que tu avais des souvenirs justement très marquants Ouais, parce que du coup, moi je travaille dans une start-up dans la e-santé. Ah oui. Non, Ah non, bah non, oui. non, non, mais en fait, Waouh. voilà, on était au contact de. Grosse goutte de sueur le jour Bah, de c'est ça, en fait, on était l'annonce. en contact avec des médecins qui, du coup, disaient, voilà, parce que c'est pas les. C'est des gens qui s'y connaissent, quoi, tu vois. Donc, ils disaient, oula, les gars, à partir de. Bah, en fait, je sais plus quand c'était, c'était un jeudi. C'était un jeudi soir qu'il y a eu l'annonce, et on nous a dit le mercredi, bon, bah, à partir de demain, donc à partir du jeudi, c'est télétravail pour tout le monde obligatoire, plus personne au bureau et tout ça. Et donc, j'avais pris le train le jeudi soir, parce que eux savaient que ça allait merder, hein. Et le jeudi soir, ben, je suivais l'annonce dans le train, du coup à Agen, j'étais entre deux trains là, en correspondance, et je voyais les trucs arriver, je scrollais, vous savez, sur le live de Le Monde et tout là, j'actualisais toutes les 2 minutes 30, j'en pouvais plus, j'étais en sueur. Et donc là, t'apprends le confinement et tu te dis, putain, alléluia, j'ai mis tout ce qu'il fallait dans ma valise, je suis prête à aller me confiner dans le magnifique département qui est le Tarn-et-Garonne, donc. Ça fait 2 fois qu'on en parle. Donc pendant confiné pendant Ça fait bah, je sais beaucoup plus combien de trop. temps ça a duré, 2 mois, un truc comme ça, un peu plus je crois même. Donc Ouais. voilà, j'étais dans le train et la veille on nous disait que ça allait merder sévère. Et toi, Adam, pas du tout. Parce que je te voyais faire des têtes, genre Bah, je veux pas dire complètement. de bêtises, mais je pense que bah, je devais être à Limoges, donc dans l'appart qu'on partage avec ma sœur. Je pense que je sais pas, ça a dû être un moment où Donc on entendait l'annonce et puis là j'ai dû voir ma sœur encore faire une activité demandant beaucoup d'efforts et je me suis dit je passe pas 3 mois avec, c'est mort. Le mec, il s'est projeté dans l'avenir et s'est dit non. Voilà, je vais rejoindre ma maman, ça ira très bien. Mais si ça se trouve, je dis des bêtises, j'étais peut-être déjà. Ah, mais non, c'était pendant les vacances, je devais peut-être déjà être à Angoulême, je sais pas. En vrai. Parce que pour moi, c'était pas un truc hyper important dans ma vie, quoi. Et je voyais en plus tout le monde en parler autour de moi. Bon, bah, ok. Oui, vu que t'es étudiant, au pire, tu fais les cours à distance. Enfin, Ben, c'est. Il y il avait y a des ça, et alternatives. puis il y a aussi que finalement, enfin, c'est pas qu'il n'y a pas grand-chose à en dire, mais surtout à ce moment-là, quand tout le monde disait, et alors, qu'est-ce que t'en penses? Et par rapport au professeur Raoult et tout, je disais, ah, mais j'en ai rien à foutre, en plus, je suis pas épidémiologue, je sais plus. Épidémiologiste. Oui, voilà, épidémiologiste. Bah moi j'écoute j'écoute ce T'écoutes qu'ils disent Renaud? et puis voilà, ouais déjà. Mais oui, c'est qu'en plus j'avais pas d'avis à avoir là-dessus, quoi. Les gens qui voulaient. Tu vois, c'est pas comme un débat politique, là c'est un débat entre vraiment spécialistes des virus et des. Enfin bon. Et ouais, et puis Voilà. c'était surtout une situation qu'on n'avait pas anticipée, qui était totalement inédite et qui, même pour le coup, même les spécialistes avaient besoin d'un temps de réflexion et en Oui, bah fait on leur voilà, demandait des réponses instantanément, quoi. Et c'est un peu chaud, quoi. c'était ça, genre, je voyais même on demandait à des sociologues, et alors déjà, gros, laisse-nous, parce que il va falloir au moins un an le temps de recueillir les données, de les analyser, enfin bon. Yes. Mais si, par contre, c'est vrai que pour moi, c'était une période assez cool, par contre, par rapport à mes sujets de mon sujet de recherche de master, c'était pas mal parce que du coup, il y avait beaucoup de gens qui manifestaient le désir de pas forcément retourner travailler ou qui étaient contents même et qui osaient le dire. Bah, j'ai pas envie de travailler et je suis content de pas y aller. Et du coup, voilà, j'avais pu recueillir quelques témoignages, quelques donc j'étais content. Bref. Ouais, tout à l'heure, je voulais rebondir sur une autre recommandation. Parce que, du coup, on parlait du fait d'avoir, tu sais, les petits plaisirs de la vie sans forcément grand projet, grande vocation. Ça, c'est un bruit qu'on aime entendre. Ouais. Ça, c'est le bruit d'antan de 2019. Pardon, excuse-moi. Oui, non, mais j'aime bien que tu t'excuses, ouais. Non, du coup, ouais, donc là, je joue à un jeu bon, qui maintenant date de 2 ans, je crois, qui est Kingdom Come Deliverance. Donc, qui est un jeu qui a été, où on incarne un mec au Moyen-Âge dans la Bohême, donc l'actuelle République tchèque. Et donc, c'est un jeu qui est vraiment vachement réaliste et tout. Et quand je suis dedans, je me dis, putain, c'est marrant parce que. Bon, déjà, l'immersion est vraiment pas mal, je trouve, même si y a des défauts, hein, mais c'est bizarre quand t'es dedans, tu ressens une espèce de calme, d'apaisement, je sais pas comment dire, mais parce que c'est vraiment la campagne, les gens ils font leur travail quotidien, genre t'as le meunier qui fait sa farine, t'as le boulanger qui fait son pain et tout, et c'est tout, et les gens ne visent pas plus. Et je me dis, soit à l'époque, ils devaient vraiment se faire chier et tomber en dépression, soit non, ça leur allait de pas vraiment avoir de vocation et de pas voir leur vie personnelle comme devant être en croissance. Mais c'est vrai que c'est. Alors pour rebondir là-dessus, c'est vrai que c'est un jeu. Alors moi je l'ai pas testé, mais j'ai lu pas mal de trucs dessus. C'est vrai que les développeurs, il me semble que. Alors je vais dire une bêtise, donc je vais faire général, mais c'est un studio de développement dans les pays de l'Est, justement, qui a voulu mettre en valeur l'histoire de locale. Ouais, il y a eu vraiment pas mal d'historiens qui ont bossé dessus et tout. C'est ça. Et genre, pas mieux que dans Assassin's Creed, quoi. Ils ont vraiment voulu garder le truc. C'est ça. Bah en même temps, oui. Bah, faut en même temps. faire pire qu'Assassin's Creed. Ouais, mais après, Assassin's Creed, on peut leur pardonner parce qu'il y a vraiment une volonté de... Enfin, on prend l'histoire comme un socle, mais on veut Pour faire un faire truc un peu fantaisiste. voilà, un peu science-fiction. Alors que là, c'est l'inverse. On veut faire un truc évidemment qui amuse les joueurs, mais on veut rester le plus à la base de ce qu'est la vraie histoire. Mais continue, Victor. Mais ouais, y a, enfin, comme tu le disais, il y a eu énormément de travail d'experts sur le jeu, où il y a eu vraiment pour la reproduction des décors, des métiers. Et je me souviens, en fait, il y avait, j'avais vu un docu, je crois que c'était la mini-série sur les jeux vidéo et l'histoire de Nota Bene sur Arte, qui était très intéressante, Oui. où il parlait, en fait, et en fait, les développeurs disaient. Bah en fait, on a récupéré plein de manuels de maîtres d'armes pour faire les combats du jeu. Et en fait, on s'est rendu compte que... Bah, problème, c'est que dans notre jeu, après, si on programmait ça, tout le monde se battait comme un maître d'armes. Sauf que, en général, les gens qui se battaient qui avaient les connaissances de maître d'armes, c'était des gens qui avaient été entraînés, que c'était des nobles, c'était des personnes importantes. Et du coup, ils ont fait du motion capture de mecs lambda, enfin de gens complètement random, en leur donnant une hache ou une épée, en disant bah vas-y bats-toi, pour simuler le fait que bah la majorité des guerriers de l'époque moyenâgeuse, c'était surtout des gens qui étaient réquisitionnés et qui avaient jamais eu de formation militaire ou à l'art de la guerre ou quoi que ce soit, et c'était juste de la chair à canon avec on leur donne une épée, une cotte de mailles et puis en avant Guingamp, quoi. Mais c'est ça qui est bien aussi dans ce jeu, c'est que du coup j'ai eu à faire plusieurs combats et en fait je les ai perdus, mais c'était normal. Et j'étais pas frustré parce que je me disais, ah oui, c'est normal parce que bah, le type en face, c'est un noble qui a eu toute sa vie pour s'entraîner. Et moi, bah, je ne suis qu'un fils de forgeron qui a manié deux fois dans sa vie une épée. Et ce qui est bien aussi, c'est que les combats, ils ont un vrai enjeu parce que, genre, bah, tu te bats contre. T'évites de te battre contre plus d'une personne parce que c'est impossible. Et même contre une personne, t'es pas sûr de gagner. Parce que bah, c'est vraiment comme dans la réalité, quoi. Il y a ta vie qui est en jeu, tu peux pas te permettre de prendre 12 000 coups et si tu te les prends, bah, c'est trop tard, quoi. Tu peux pas revenir en arrière. Puis t'as pas des potions qui te ramènent de la vie. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Je crois que j'ai dû voir une autre vie, mais j'ai même pas pu l'utiliser en combat, je crois. Enfin, et du coup, ce qui est bien, c'est que bah, au début. Moi, j'ai fait un petit peu comme un mec qui se croit dans Assassin's Creed, quoi. J'ai très vite compris que ça n'allait pas marcher. Et par exemple, il y avait un camp avec juste deux guerriers dedans, et je devais libérer mon seigneur, que j'avais accompagné à la chasse et qui s'était fait capturer. J'ai essayé, et au bout d'un moment, ça m'énervait, et je me suis dit, attends, réfléchis comme dans la vraie vie, t'es machin. Et du coup, je me suis dit, je vais attendre la nuit, je vais me faufiler en douce pour le libérer. C'est ce que j'ai fait et ça a marché. C'est quoi le nom du jeu déjà, pardon? Kingdom Come Deliverance. Vraiment, bah, il y a des fois des dialogues pas très bien synchronisés sur les lèvres. Ouais, ça c'est, je veux dire, quand t'es obligé de faire une traduction d'un jeu, t'es Ouais, c'est obligé ça. d'avoir des petits soucis comme ça, c'est pas vraiment un gros souci majeur. Techniquement, il est pas toujours très beau. Bon, en même temps, il a déjà 2 ans. Mais moi, vraiment, je le trouve bien là. Alors qu'en plus, c'est un FPS et que j'aime pas les FPS. Oui, Jonathan. Alors, juste pour rebondir sur un petit peu ce que tu as dit, Adam, c'est une reco aussi, c'est une chaîne YouTube qui a quelques années déjà, qui s'appelle Histoire Appliquée. Qui joue un petit peu avec cette idée-là aussi d'avoir quelque chose de réaliste, puisqu'ils vont tester pas mal de préjugés qu'on a à travers les films et les jeux vidéo. J'en ai notamment un en tête, c'est dans tous les films, on voit les barbares qui se jettent sur les boucliers romains, tu vois, sur les murs de boucliers. Et du coup, il va expliquer pourquoi ça se faisait pas comme ça, pourquoi ça marche pas. Mais il te le montre en le testant, en fait, avec des gens du coup qui se jettent sur des boucliers, etc. Et donc, c'est vraiment, vraiment cool, puisque ça appuie un peu ce côté réaliste, on va dire, d'avoir l'histoire réelle, et pas forcément le côté fantasmé qu'on a dans les films, dans les jeux, etc. Tu peux redire le titre, s'il te plaît? La chaîne s'appelle Histoire appliquée. Wow. Ok. Chloé au top qui nous envoie direct le lien avant même que Jonathan Waouh, ait le trop temps sympa. de répéter. Ah Ah ouais, ouais, non, non, mais mais moi je suis. J'ai pris des notes. j'ai toujours Pardon? du mal avec ce genre de chaîne. Enfin, du mal. C'est que à chaque fois j'essaie de me renseigner un maximum sur la personne ou le vulgarisateur en question parce que des fois t'as vraiment des tanches quoi. Enfin le type il est pas du tout diplômé dans le domaine machin. Il s'est juste dit bah, je sais pas, j'ai envie. C'est rigolo et voilà. Ouais, après t'arrives à faire un scandale comme Squeezie avec les pyramides. D'accord, et du coup, tu penses quoi de Nota Bene? Bah, vu que je suis pas historien, je n'en parlerai pas. J'entends des historiens qui l'apprécient pas trop, d'autres qui l'aiment bien, donc. Ouais, c'est que Chloé, tu nous as envoyé le lien, mais c'est que tu connaissais, toi? Pas du tout. Pas du J'ai tout? juste Tu découvres vite aussi? stalké. Ouais. Mais pareil, après, c'est vrai qu'avec ce genre de chaîne, je suis un peu comme Adam, je sais pas trop le vrai du faux. Enfin, c'est assez compliqué. C'est pour ça que je regarde très très peu de vidéos sur YouTube, à part ceux qui font de l'humour au final. Parce que je me dis, est-ce qu'il s'agirait pas de tomber sur un charlatan? Comme Thibaut InShape. Pardon. Et comment t'as... Mais Désolé, t'as lu dans mes pensées. j'ai fini le montage de l'épisode précédent et on a beaucoup parlé de Thibaut InShape. Enfin, beaucoup, pas vraiment, mais il est revenu Non plusieurs mais fois. ouais. Beaucoup Ouais, bah trop, c'est quand même. ça en fait. Donc je sais pas trop Mais après, tu peux regarder le ce à que ça vaut. propos. Moi, c'est ce que je fais à chaque fois et. Ouais, mais bon, il va pas se dire ah non, je fais que du bullshit et tout ça. Hein? Bah justement, si de toute façon, soit il parle, moi c'est soit il parle de son ses études, et dans ce cas-là c'est bon, je fais ok. Il se peut qu'il dise des bêtises, mais il y a quand même très peu de risques quoi. Et sinon, tu peux regarder quand ils mettent pas en description, ils font une FAQ, et dans la FAQ tu fais ah ok, d'accord. Ok, merci. Jonathan, tu voulais dire quelque chose? Ouais, on va se battre. Non, non. Non, après, on va pas refaire un podcast sur la vulgarisation, même si ça vaudrait le coup, évidemment, vous avez des avis, je pense, assez opposés à ce que moi je peux avoir, Victor, je sais pas trop. Mais, bon, voilà. Mais, non. Je suis d'accord qu'il faut garder, bah, en tout cas, il faut garder un esprit critique, c'est sûr, sur ce qu'on voit, et je vais pas trop m'étaler là-dessus. Après, ce que j'aimais bien avec cette chaîne, c'est qu'on a vraiment le côté expérimental qui est directement montré dans la vidéo. Donc, on n'est pas forcément dans un truc de vulgarisation où on va vous balancer la théorie et qu'il faut vérifier chaque source pour être sûr Ouais. que finalement c'est adéquat. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Jusque-là, finalement, on te montre juste une expérience. Comme je dis, des mecs qui se balancent sur un bouclier, bon, tu les vois devant toi. Je vois pas pourquoi le mec irait mentir sur ça, tu vois. Des mecs qui exposent sur un bouclier, ils ont mieux à faire, je pense. Et surtout mieux à faire que de mentir. Du coup, je suis d'accord qu'il faut garder un esprit critique. Maintenant, c'est aussi l'avantage de chaînes comme ça, qui sont peut-être plus explicites que d'autres. Et voilà. Après, je sais pas vous, mais c'est vrai que. Bon, personnellement, je regarde surtout des trucs qui sont liés à mon domaine de travail, quoi. Et du coup, c'est beaucoup plus facile pour moi, sur des vidéos qui concernent ce que je connais déjà un minimum, de me dire, ok, là, je peux critiquer ce que la personne vient de dire ou non. Et du coup, ça m'est utile quand même, parce qu'au moins, ça me donne des références, des pistes de réflexion sur des sujets. Mais un peu comme toi, Jonathan, quand tu regardes un. Dirty Biology ou autre quoi. Bien sûr, mais en même temps, pour revenir un peu ce qu'on avait dit, à, pardon, désolé, ce qu'on avait dit à la, dans le podcast de la vulgarisation, c'était aussi l'idée, c'était quand même de promouvoir la vulgarisation à tous, puisque c'était quand même le but, c'était pas de rester dans sa niche ultra Oui, spécialisée, tu c'était vois. de démocratiser. Après, là, sur le truc, je viens de regarder un peu les vidéos de Histoire appliquée et j'étais tombé sur une vidéo, enfin, je reconnais une vidéo que j'avais déjà vue quand qu'on avait regardé avec un collègue parce qu'on parlait d'un truc. Et en fait, c'est vrai que, enfin, c'est plutôt des expériences, tu vois. Genre, en fait, celle que j'avais vue, c'était, il parlait d'un film où il y avait des mecs en côte de maille qui traversaient une rivière, et puis en fait, lui, il se met en côte de maille, il va dans une rivière et il voit ce qui se passe, tu vois. Bon. Il n'y a pas de dimension particulièrement historique là-dedans ou théorique, et c'est plus genre, bah on voit si je meurs ou pas, quoi. Point. Mais ouais, non, c'est. Voilà. Et dans le même genre, mais alors plus sur l'histoire, mais dans la vulgarisation aussi, si ça vous intéresse sur du médical, c'est Dans ton corps, DTC, Dans ton corps sur YouTube, qui justement vulgarise pas mal de trucs. Donc ça, j'ai regardé parce que pareil, comme disait Adam, j'ai un background, voilà, un peu médical. Pardon. Non, voilà, bah c'est mon domaine, et du coup, je sais quand même qu'il va pas me dire des conneries, ou alors, enfin, on s'en rend vite compte, quoi. Et donc, lui est plutôt pas mal sur ces questions-là, je trouve. Bah, il est Voilà. infirmier. Voilà. Mais Comme ça, j'ai. en vrai, je vais peut-être m'arrêter là, sinon on va partir très loin. Mais vous pensez vraiment qu'avoir un background permet de déceler vraiment le vrai du faux tout le temps? Et au contraire, moi je trouve que c'est plus dangereux. Non, mais je suis désolé, mais Non, là je pars mais. complètement ailleurs. Mais concrètement. Ouais, mais c'est Jonathan, tu sais, qui dit désolé, après on s'arrête, et qui Ah balance un gros truc en mode genre c'est à partir pendant En une vrai, demi-heure. une bombe! J'ai Mais un tu truc vois. à te répondre, Jonathan. Je pense que moi, ça fait comme ça, en tout cas pour mon parcours d'études. C'est bac plus 2, bac plus 3, très pas mégalo, mais très sûr de soi, et enfin très sûr de moi et de mes connaissances dans le domaine que je faisais. Arrivé en master, au fur et à mesure que je montais entre guillemets en compétences, je me suis rendu compte de tout ce que je savais pas, de tout ce que je pourrais savoir mais que je sais pas encore. Et C'est la capacité à se remettre en question. C'est un truc notamment qui se voit très très facilement sur les artistes. Je vois, j'ai un ami qui est donc plasticien. Et en fait, en gros, il connaissait quelqu'un qui est autodidacte. Et en fait, le truc qu'il disait, c'est que bon, bah, moi j'ai fait les beaux-arts, mais ce mec-là, il fait un truc. En effet, il fait quelque chose qui est académiquement très très convaincant. Par contre, le problème, c'est que moi, en école des beaux-arts, j'ai appris à me remettre en question par rapport à ce que je faisais. Et ça, c'est plus important parce que, à force de faire des trucs académiques, bah en fait, tu te renouvelles pas et t'es pas capable de remettre en question ce que tu fais, t'es pas capable de donner une profondeur à ce que tu fais aussi. Et alors, bon, là, c'est sur un truc un peu plus subjectif que la connaissance et la théorie, tout ça. Mais c'est vrai qu'en général, plus tu avances dans tes études, plus tu acquiers les capacités de te remettre en question et de remettre en question ce que tu fais, ce qui est vachement important pour justement être le plus impartial possible par rapport à C'est un peu l'effet Dunning-Kruger, quoi. pas forcément l'effet Dunning-Kruger. Donc le fait Dunning-Kruger pour donner un pour donner une définition, c'est en fait un effet psychologique qui fait que les personnes, basiquement, les personnes qui sont les moins compétentes dans un domaine vont se sentir plus compétentes que les personnes qui sont légitimes, dans le domaine, qui, elles, vont avoir tendance à se dévaloriser. Voilà, c'est ça qui c'est quelque chose qui est très utilisé, notamment bah, pour les études sur le complotisme, notamment, des choses comme ça. Et chose intéressante, c'est quelque chose qui ne s'applique pas notamment aux sociétés asiatiques, parce qu'ils n'ont pas du tout la même Oui, bah ils ont vision. beaucoup de respect de la hiérarchie, tout ça, non? Non, c'est plutôt bah, enfin, il me semble que c'est par rapport au fait que bah il y a moins la volonté individualiste d'avoir raison, plus Ah, d'accord. de se départager avec le collectif plutôt que juste toi. Ça, c'est Sur intéressant. Wikipédia, ils disent que c'est sur les sujets est-asiatiques, suggère que pour ces personnes, un effet inverse, donc sous-estimation de sa propre valeur et motivation pour s'améliorer, pour être à l'œuvre. Et comme en effet, ouais, c'est ça, c'est appliqué surtout chez les Occidentaux. Ouais. D'accord. Enfin. Ou bah, dans nos sociétés individualistes, on valorise, tu vois, genre le savant ou la tête pensante. Enfin, le génie, tu vois, genre on va mettre en avant le génie alors que. Pas le génie, Oui, on eugénisme, est genre le plus loin génie, plus loin. la personne, l'individu, plutôt que l'avancement collectif, en fait, qu'on va avoir, la connaissance collective qu'on va acquérir. Mais ouais. Alors là. Je crois qu'on a Mais bien voilà. dévié, ouais, je crois qu'on a bien dévié, pas trop bon. On a bien dévié, même au sein d'un épisode où techniquement il n'y a pas de déviation vu qu'on n'a pas de ligne. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, dès qu'on n'a pas de ligne directrice, on dévie, mais sur des sujets qu'on a déjà abordés. On se raccroche à ce Parce qu'il qu'on restait peut. des choses à dire. C'est énorme, c'est énorme. Mais c'est vrai que là, on était plutôt dans les jeux vidéo, donc est-ce que vous avez joué un petit peu pendant cette année 2020? Adam a parlé de Kingdom Come. Est-ce que tu as joué à d'autres choses? Alors, il y a le jeu Flash, Lequel, Adam? Dis-nous, dis-nous. La incontournable, France veut savoir. incontournable. Il faut vraiment que la Terre entière joue à ce jeu. En fait, c'est une série de jeux Flash qui s'appelle Douchebag. Donc, il y en a plusieurs. Il y a Douchebag Workout, Douchebag Chic, Douchebag Beach. Et en fait, donc Douchebag en anglais, ça veut dire connard. Hein. Et en Je crois fait, que non, c'est littéralement c'est plus sac à kéké. foutre, Ah, mais ça c'est. d'accord, ok. Ah Attendez, je vais oui. voir sur Wikipédia. Et du coup, c'est des petits jeux flash où on va avoir un personnage qui a un peu une vie nulle, enfin qui a un ringard, qui a pas de copain pour le jeu flash, la version masculine. Enfin, la version où on joue un mec. Hétéro, du coup, on n'a pas de copine, pas de muscles, pas de thunes, tout ça. Et il y a la version où on joue une fille, mais qui arrive pas à attirer les garçons, tout ça, qui a pas de thunes, machin. Et donc, avec la version fille, on doit avoir un maximum de followers sur les réseaux sociaux. Et on doit faire de la chirurgie esthétique, s'habiller n'importe comment, enfin bref. Et voilà. Et dans les différents jeux où on joue un garçon, on doit faire de la muscu, prendre des stéroïdes, des protes, hein, bien sûr, travailler dans un chantier comme maçon, évidemment, et draguer, comme dirait Thibaut InShape, des petites à la salle. Mon Dieu. Et du coup, voilà, c'est un jeu gratuit qui est disponible sur Internet et que Adam, dans nos moments d'ennui, nous a Conseiller. suggéré. On y a beaucoup joué ensemble, on y a joué tous les trois avec Jonathan quand on était en vacances. Voilà, c'était bon, de bons moments. C'était un moment Oui. mémorable. Ouais, voilà. Ouais. Et sinon, j'ai pas forcément d'autres jeux, ou en tout cas, c'est pas des jeux récents, donc c'est des jeux dont c'est pas la peine Bah après, tu peux toujours les vraiment que j'en évoquer, parle. ça peut toujours être une découverte a posteriori qui peut être sympa. C'est vrai. Bah alors, j'ai pas mal joué à. Enfin, là, en ce moment, je suis sur Tropico, vu qu'il était gratuit sur Epic Games. C'est Donc, vrai. Tropico 5, et vraiment, j'étais pas du tout emballé par ce jeu de loin, comme ça me disait rien du tout. Et là, en testant, je fais, mais comment j'ai pu passer à côté de ça, quoi? C'est vraiment énorme. Voilà, il y avait quoi d'autre comme jeu que j'ai fait? On avait pas mal joué ensemble à Civilization 6. Ah oui, C'est ouais, vrai. Confinement, tout ça. On a fait des grandes, grandes parties de Civ. C'est vrai que, bon, gros jeu de stratégie au tour par tour qui peut se jouer en réseau et c'est sympa avec les c'est copains parce vrai. que on peut se déclarer des guerres coloniales. Comment besoin de jeu de temps? Toi, t'as Tranquille, quoi. testé les, t'as testé le remake de Mafia? Oui, c'est vrai. Moi j'ai beaucoup beaucoup beaucoup joué. Alors en fait en plus, alors c'est tombé quand même plutôt à pic, je dois le dire. En fait cette année, en janvier, j'ai monté un nouveau gros PC de gamer. Donc voilà, un bon gros PC. Une brute, hein. Il y a les néons, il y a tout ce qu'il faut. On veut une photo, le peuple veut voir. Ouais, bah j'enverrai une photo. La carte mère a des LED qui sont multicolores, qui changent de couleur. Et en plus, Tellement j'ai pris un stylé. boîtier avec une paroi transparente pour bien voir tout l'intérieur, t'sais, comme un Oh gros kéké. là là là là. Je me fous de la gueule des gens qui font du tuning, mais en fait, je vaux pas mieux que ça. Bref. Donc, ça tombait bien que j'ai un gros PC parce que cette année, ouais, j'ai pu donner, on va dire. J'ai déjà fait, alors un peu après sa sortie, parce qu'il était sorti en exclu sur l'Epic Game Store, mais j'ai joué beaucoup à Borderlands 3. Borderlands 3 qui est quand même un jeu qui est généreux en contenu, qui est très fun. Enfin, c'est du Borderlands. Alors, tout ce qui est gameplay a été amélioré depuis le 2, c'est beaucoup plus dynamique et tout, on peut grimper un peu partout. Enfin, c'est plutôt fun, plutôt chouette. Ensuite, le gros jeu du début d'année pour moi, c'était Doom Eternal. Doom Eternal, qui est un jeu qui te prend par les épaules et qui te secoue comme ça, jusqu'à ce que mort s'en suive. Un jeu très très qui te pousse dans tes retranchements. Véritablement, après une session, t'es rincé, rincé. C'est exigeant et c'est enfin c'est faut y jouer pour comprendre et c'est bon c'est ultra bourrin, c'est pas à mettre entre toutes les mains, quand même un jeu très très gore tout ça, mais qui est incroyable, qui te prend vraiment avec des décors assez fabuleux, quand c'est pas de l'espèce de bidoche partout, ambiance étal de boucher, rayon à bas Et en fait, il te demande de jouer en fait même plus par conscience, mais vraiment par réflexe en fait, juste d'être dans le réflexe en permanence, parce que tu prends tout le temps des dégâts, tu te fais tout le temps atomiser dans tous les sens. Alors bon, je suis pas un excellent joueur de FPS, même si bon, ça va, je me débrouille, mais ce genre de choses où c'est très très, ça part un peu dans tous les sens, le genre de truc qui te traumatise un peu, mais tu te dis putain, j'en sors grandi quoi. Ouais, tu dois vachement rager quand même, ceci dit. De quoi? Tu dois vachement rager quand même. Tu dois péter des manettes ou des trucs ou des souris. Non, parce que enfin, j'ai pas eu cette sensation. En fait, j'ai pas eu de frustration en jouant à Doom, parce que vraiment, à chaque fois, c'était. Tu apprends un petit peu de tout ce qui se passe. Et petit à petit, en fait, t'as tellement de mouvements possibles que tu découvres que tu peux faire des choses énormes. Et en fait, tu te dis juste, dès que tu meurs, t'es là, tu te dis, mais en fait, j'aurais pu faire des trucs bien plus ouf. Et en fait, t'arrives à faire mieux la fois suivante. C'est pas genre tu vas mourir en boucle sur le même ennemi ou quoi que ce soit. Même D'accord, si mais c'est un c'est peu parce le que cas, t'es hein. bon joueur. Pour ceux qui ont déjà joué à Doom Eternal, les maraudeurs, il y a un ennemi en particulier qui est particulièrement coriace et il faut avoir des timings ultra. Et déjà, dès qu'il y en a un, t'en chies et après il t'en file deux avec d'autres ennemis autour. Ah oh yes, cadeau. Ouais, pour donner une idée, en fait, il y a un moment qui m'avait fait beaucoup rire, c'est. Enfin, beaucoup rire. Rire jaune sur le coup. Mais en fait, tu te retrouves dans une arène avec un boss qui est vraiment assez hard. Au moment où tu arrives dessus, t'es là, tu découvres, et c'est ultra violent. Et en fait, tu arrives à battre le boss au prix de gros efforts. Et en fait, il y a une porte qui s'ouvre, et c'est vraiment fin de niveau, tu vois, en mode genre, allez, go, salut, je finis le niveau. Et en fait, là, tu prends la porte. Tu tombes dans un espèce de trou et tu arrives dans une arène où il y a plein d'ennemis, mais genre vraiment beaucoup d'ennemis, et ce boss en double, deux fois. Ah En mode yes. genre, surprise. Un cadeau, toujours pour plus. Et ça, ouais, Doom, je pense que c'est un jeu qui va garder quand même une certaine aura, malgré tout, pour cette année. Un des jeux les plus mémorables de l'année 2020, en tout cas. Je sais pas, avant que je passe aux autres, il y a peut-être quelqu'un qui a envie de parler de jeux vidéo. Parce que c'est vrai que Ouais j'en ai ouais. beaucoup. Alors moi du coup j'ai pas beaucoup de jeux donc comme ça au moins je vais pouvoir t'en parler. Il y en a un que je voulais évoquer puisque je pense que c'est le jeu que j'ai le plus rapidement fini cette année, c'est Last of Us 2. Alors je sais que il a été plutôt moins critiqué, mais moi c'est le premier m'avait énormément touché et le second m'a énormément touché aussi. Je trouve que ils arrivent à trouver le compromis entre un scénario, une immersion dans un univers et un aspect, on va dire quand même jeu vidéo, ils ont vraiment le bon compromis en fait, en tout cas pour moi. Après c'est un jeu qui prend son temps, c'est plus un jeu d'ambiance qu'autre chose, donc ça parle peut-être pas à tout le monde, mais moi il m'a vraiment beaucoup marqué. Je l'ai trouvé très beau et très juste dans son écriture. Après il était peut-être pas au niveau du premier qui lui avait peut-être le loisir de pouvoir innover sur pas mal de points, mais je le trouve assez juste pour une suite. Et donc voilà, plutôt cool. Et alors ensuite, c'est pas du tout, enfin c'est un jeu sans être un jeu, mais c'est juste que j'en ai pas mal fait quand j'étais en confinement. C'est juste un site, c'est Board Game Arena, pardon. où il y a beaucoup de jeux de société gratuits. Et donc voilà, c'est juste parce que je l'ai pas mal torché avec des amis pendant le confinement. Il y a beaucoup de jeux gratuits et il y a des jeux super sympas comme Seven Wonders, pour ceux qui connaissent par exemple. Il y a moyen de faire beaucoup de trucs. Excellent jeu de plateau, vraiment Ouais. excellent. Oui, ça me fait penser à du coup un jeu que j'ai oublié de mettre, que j'ai fait pas mal cette année, c'est Démocratie 3, que m'a offert Victor, mais l'an dernier, je Eh oui. crois, Eh ouais. qui est un jeu de simulation politique. Voilà, c'est tout, juste c'est à tester. En fait, c'est basiquement, je te coupe, hein, mais c'est. Ouais. Imaginez, vous écoutez cette émission et vous vous dites vraiment, Adam, à chaque fois, il ramène tout à la politique, à l'économie et tout. J'aimerais pouvoir jouer sa vie. Jouer la. C'est littéralement le jeu qu'il vous faut. C'est juste des curseurs à mettre en mode genre. Tiens, je vais taxer un petit peu plus le pétrole, ou tiens, je vais taxer un petit peu plus les pauvres, parce que voilà, il faut aussi créer du PIB, et le PIB, il n'est pas créé par les pauvres, enfin. C'est affreux comme jeu, là, je suis sur les images du jeu. Ouais, c'est ça, c'est que des petites bulles et des curseurs. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, tu décides de mettre de l'argent dans certaines réformes et pas dans d'autres, d'enlever des trucs et tout. Et du coup, à la fin, tu as des indicateurs, enfin, à la fin de chaque trimestre, on dit, bah voilà, le PIB, il a augmenté ou diminué, le chômage, il a augmenté ou diminué. Il y a aussi les sondages d'opinion, donc moi, c'est souvent... Les capitalistes sont pas contents. Ouais, ok, mais ils sont trois pecnos, donc j'en ai un peu rien à foutre. Enfin voilà, que des trucs comme ça. Basiquement un jeu pour les gens qui aiment regarder l'Assemblée nationale le mercredi après-midi sur France 3. Alors, Yes. je rigole, hein. Évidemment. Parce que Qui moi fait j'aime ça? pas. Qui fait ça? Non mais c'est vrai, je me demande qui le fait. Hein. C'est ça. Et moi, je pense souvent, enfin, je dévie, hein, mais aux pauvres, à la pauvre personne qui fait, tu sais, qui traduit en langage des signes, qui doit être tout seul dans un studio en train de faire des mouvements, qui doit écouter à fond ce qui se dit, genre qui doit traduire des engueulades entre députés en langage des Ah signes, yes, oh, pas être évident. pendant toute une après-midi, toutes les semaines. Oh bah ça doit pas être la même personne quand même. Bah je sais pas, j'espère pas, hein, parce que sinon c'est. Et t'as vu, il y a Démocratie 4 qui va sortir aussi. Je suis en Non. train de regarder. Si là, Waouh. date de... Bah il est déjà sorti. 6 octobre 2020, jeu en accès anticipé. Oh là là. Sérieux? Oh Ça y est, là. on l'a perdu. Oh Ah, là. il s'est Oh, il déconnecté. est sur Steam, moins 20%. Est-ce qu'il est bien noté? Ouais, très positive, ouais. Cool. Sur 733 avis, très positive, Il ouais. coûte 17 euros. Bon bah écoute, bonne soirée, Adam. Ah, je sais pas si j'ai je sais pas si j'attends encore ou. Bah Et prends-le, franchement, mec, il y a attends quand 25% même. dessus. Ça m'énerve jamais, Mais j'ai c'est envie de parce dire. que là, là, je vois une vidéo et en fait, j'ai pas l'impression qu'il y a grand-chose qui change à part juste les graphismes. Mais Mais bon, alors, des graphismes sur des pense un bulles. peu aux gens qui achètent Au chaque année un créateur. FIFA. Ah non. Où c'est même pas les graphismes qui changent, c'est juste le nom des joueurs dans les équipes. C'est Mais vrai. c'est pas le même jeu, Et hein. Rien à ils voir, ont rien à rajouté voir. les équipes féminines, je crois, par contre, cette année. Ah ouais, mais ça, si tu veux, c'est leur gros DLC des 10 ans, tu vois, genre en mode, C'est on va ajouter du contenu, les gars. ça. C'est ça. Payant. On va ajouter une queue de cheval à Des nos joueurs. joueurs, on va modéliser des queues de cheval en 3D. Moi, sur FIFA, j'ai toujours de la pitié pour les joueurs qui sont pas modélisés de leur visage. Genre, les joueurs qui arrivent quand même à être suffisamment pro pour être dans FIFA, mais pas suffisamment pour qu'on les Mais pas assez. modélise. Du coup, c'est juste des taches, quoi. Oh là là. Non. Moi, j'ai une pensée. Je sais pas, sur le vieil ordi de mes parents, ça devait être un Windows 95. Je devais avoir un FIFA ou un PES, je sais plus ce que c'était. Mais Oula ça devait être 97 l'année, genre FIFA ou PES 97. Et c'était énorme parce que, basiquement, la modélisation des persos, tu regardais. Barthez et puis Desailly, c'était les mêmes persos. Yes. Mais ce qui était vachement bien, c'était... Bah ça devait être PES 99, je sais plus. mais en fait tu pouvais créer ta propre équipe et tu pouvais créer tes propres personnages avec les stats que tu voulais. Et moi je l'ai eu, mais enfin je l'ai eu très en retard quoi, genre d'occasion, et donc dedans il n'y avait pas Ronaldinho encore. Et j'avais créé une équipe avec que des Ronaldinho. J'ai Ronaldinho 1, Ronaldinho 2, Ronaldinho 3. Et ce qui était bien, c'est que tu pouvais leur mettre toutes les stats à fond. Et du coup, bah voilà. Clonage et eugénisme, bravo Adam. J'avais que des C'est clair. Ronaldinho de 2,20 m, très puissants et très rapides. Énorme et sec. Oui. Chloé, est-ce que toi, t'as joué à des jeux cette année? Parce que tout à l'heure, tu évoquais le Ou... fait que tu avais oublié de noter jeux Ouais, vidéo alors, dans ton j'ai document. trois jeux clés dont j'aimerais vous parler. Donc le premier, c'est celui qui a changé ma vie, c'est Animal Crossing. New Horizon? Ouais, exactement. En fait, je l'ai acheté le jour de sa sortie, parce que il est sorti en confinement, donc je l'ai acheté sur le Nintendo eShop Store, je sais pas comment ça s'appelle là. Et ça, enfin, je veux dire, c'est littéralement le jeu qui est sorti au bon moment, quoi. Enfin, vraiment, le jeu qui est sorti, Ouf. tout le monde s'est accordé à dire que c'était genre le jeu du confinement, quoi. C'est ça. Et à tel point que bah, j'y ai joué pendant le confinement et après j'ai arrêté. Non, vraiment, c'était des bons moments quand même parce qu'ils ont vraiment. Bon, voilà, on ne le présente plus. Oui, on sait qu'elle est jolie ta Switch. On ne le présente plus, qui est un jeu très mignon avec des petits animaux à qui tu peux parler et tout ça. Bon, très capitaliste, hein, mais C'est vrai. c'est ce qui fait son charme. Donc voilà, ça me mettait un peu de baume au cœur pendant ce confinement assez spécial. Et après, deux jeux qui se jouent en multi, notamment Scriblio, ou Scribble pour certains, qu'on ne présente plus non plus, où on doit dessiner, dites-moi si je me trompe, on doit dessiner enfin, des mots, en fait, un peu comme un Pictionary, en quelque sorte. Donc, il était pas mal. Ça nécessite pas d'avoir un ordi assez particulier, donc. Et après, bah, celui, pareil, qui est sorti très récemment aussi, Among Us, qui là aussi permet de quand même continuer à tisser du lien avec nos amis, même à distance, voilà, sur téléphone et sur ordi, qui est plutôt pas mal. Bon, tisser du lien avec nos amis et aussi perdre des amis, hein, voilà. Ça arrive. Ça arrive. Voilà, c'était ces trois jeux-là, moi, qui m'ont marqué surtout cette année. Ok, mais ouais, c'est vrai, Animal Crossing, là, je l'ai depuis un jour et je m'y mets. Pour l'instant, voilà. Je vais essayer de rembourser mes prêts, mes dettes. C'est ça, t'es prêt pour un troisième confinement du coup. Ceux qui savent, savent. Adam, tu voulais réagir? Oui, en fait c'est marrant parce que je pense que c'est vraiment Animal Crossing et la Switch quand j'ai pu y jouer chez un pote qui m'ont fait prendre conscience que un bon jeu vidéo, c'est pas forcément un jeu vidéo qui a pris du temps à être conçu, très technique au niveau des graphismes, tout ça, très exigeant, parce que bah, par exemple j'étais chez un pote qui avait la Switch. Il a plein de jeux vidéo, il avait la PS4, tout ça, et en fait on a passé notre temps à jouer aux Yams sur la Switch, sur un truc de 50 mini-jeux et tout, et j'étais hyper détendu quoi, vraiment, ma vie était géniale quand j'y jouais, et je me disais mais un jeu vidéo c'est ça en fait, c'est un jeu sur lequel tu prends du plaisir, et... C'est incroyable parce que en fait dans la vie réelle, tu prends 5D. Oui, c'est C'est clair. vrai, mais là, ça demande moins de. Enfin, ça compte les points pour toi, tout C'est ça. moins Mais d'effort, quoi. Tu vois, t'es voilà. assis dans ton canapé, tu bouges pas. Mais c'était pas les seuls mini-jeux auxquels on a joué. Hein, mais non, mais c'était vachement cool. Après, j'ai toujours le même problème, c'est le prix. En fait, moi, c'est surtout ça qui m'agace avec Nintendo, c'est les prix, quoi. Par rapport au jeu que c'est. Mais je dois avouer que on y prend du plaisir. Et j'ai jamais acheté de Wii ou quoi. Mais je pense que j'achèterai la Switch quand je pourrai. Aïe, aïe, aïe, le marketing a eu raison de lui. Ouais, non, mais il aura raison de nous tous. Et... Une émission sur le marketing un jour, elle arrivera. Mais Oui. ça va être insupportable parce qu'on va juste se plaindre pendant 2 heures avec Adam. moi, je voulais juste rajouter par rapport aux jeux vidéo, vraiment. dans les jeux. Alors bon, Animal Crossing, je l'avais noté dans ma liste, mais t'en as mieux parlé que moi parce que moi, j'y suis depuis un jour, donc forcément, j'ai pas une vision globale de la chose. Mais... C'est pas comme si tous les opus se ressemblaient, mais bon. Ah non, mais parce que moi, en fait, j'y jouais sur DS. Je sais plus, c'était le Animal Crossing DS. Je sais pas s'il avait un nom particulier. Wild Life, je crois, un truc comme ça. Oui, possible. Mais okay. Là, enfin, c'était insupportable. En fait, enfin, c'était celui où dès que ta console, enfin ta DS, elle avait plus de batterie, tu te reconnectais et en fait, t'avais l'espèce de taupe là qui te parlait pendant. Rizetti. Un quart d'heure en me disant il faut sauvegarder, il faut quitter le jeu normalement et sauvegarder parce que voilà était là et pendant méchant. Un quart d'heure t'appuyais sur suivant et en fait c'était vraiment un truc pour te dissuader de d'éteindre ta console quand t'avais pas sauvegardé, le problème étant que en général quand ça t'arrivait c'était juste que ta console avait plus de batterie et que tu le voyais pas forcément parce que t'avais pas la batterie d'afficher quoi sur l'affiche, donc et ça apparemment ça y est plus. Tu n'es pas au bout de tes surprises. Ah, merde. Merde. Non, moi de Rezeti, j'en ai pas du tout souvenir. Pour moi, c'était une top hyper méchante. Elle me faisait peur. Attends, quand t'as 12 ans et que tu joues à la DS et tout, avec des petits animaux, que t'as la top qui se pointe avec la musique hyper flippante, là. Tu sens le trauma un peu. Oui, oui. Je vois. Je vois sur ton visage. C'est ça. Mais non, c'est non. Vrai que là déjà, en fait, il y avait un truc qui était insupportable sur DS, c'est que tu étais obligé de visiter l'île d'autres gens pour avoir d'autres fruits. Et moi, je sais plus ce que j'avais, mais j'avais des pêches. Et genre, j'ai eu des pêches toute ma vie dessus parce que j'avais pas d'amis qui avaient Animal Crossing. Et là, rien que là, en 2 heures de jeu, j'ai reçu une lettre de maman qui m'a offert des poires alors que j'ai que des pommes sur mon île. Et déjà, là, je suis refait parce que je vais peut-être pouvoir planter des poiriers. Ça c'est quand même beau, quoi. Je vais pouvoir faire parce un verger. Parce que c'est bon, les tartes aux poires. Exactement. Donc, bref, je... Ouais. J'arrête sur Animal Crossing parce que je découvrirai. J'ai envie de découvrir. Voilà. Mais moi, j'annonce, hein, je vais poncer, je vais pêcher, mais genre comme jamais. J'annonce, je vais finir le musée à zap. À zap. Sur les autres jeux que j'ai fait cette année, il y a le remake de Mafia. Il y a en fait une édition trilogie qui est sortie de Mafia, donc Mafia qui était un jeu qui est sorti en 2001. Ensuite, il y a eu sa suite qui est sortie, il me semble, sur PS. Enfin, Adam, toi, c'était pas sur PS4 qu'elle est sortie. Mafia 2, c'est pas sorti sur PS4, c'est sur PS3. Xbox 360, je crois. Ouais. Et ensuite, il y a eu Mafia 3. Voilà. Alors, donc, la trilogie. Oui, il faudra qu'on reparle de Mafia 3. Alors, ce sera sur un prochain épisode. Mais... ça a déclenché une certaine haine chez Adam. Oui. À propos de. Juste l'endroit où ça se passe, c'est tout. Voilà. Et en fait. Mafia 1 était vieux, c'était un jeu qui était très exigeant, j'y ai passé énormément de temps quand j'étais gamin avec des amis dessus. Ça nous avait fascinés, on avait vraiment... on s'amusait, on s'était fait des fusils de l'époque en jouets, mais genre fabriqués en bois et tout, juste pour jouer dans le jardin avec chez nous, tu vois. On était fascinés par cette époque, donc ça se passe pendant la Prohibition, dans les années 30. C'était vraiment super, super chouette. Les fusils, les fameux Thompson 1928, le fusil mitrailleur avec un chargeur en rondelle. C'est des espèces de rondelles comme ça qui se mettent sous le truc, ça nous fascinait. Bref, peu importe. Et en fait, ils ont fait un remake cette année de ce jeu qui était, c'est vrai, très très vieillissant. En 2001, quand même, ça remonte. Hein. Dans le jeu vidéo, c'est l'âge des dinosaures quasiment. C'est un Mafia-like, un GTA-like en fait. Et pas trop. De quoi? Pas trop au final, parce que tu peux juste conduire quoi à l'extérieur. C'est pas trop un open world si c'est ce que t'entendais par GTA-like, si. À l'époque où c'est sorti, c'était quand même un GTA-like, tu vois, parce que c'est sorti, je crois, à peu près à l'époque de Vice City, dans les GTA. Et c'est vrai que c'était un peu dans le même délire, même si t'avais moins de choses à faire dans la ville. C'était juste, tu suivais l'émission, mais tu pouvais te balader dans la ville. Et là, en gros, ils ont fait un coup de polish au jeu. Vraiment une super. Enfin, graphiquement, c'est plutôt convaincant, même si c'est pas, ça casse pas trois pattes à un canard. Et c'est surtout, en fait, l'histoire qui est incroyable. C'est une histoire digne du Parrain. Enfin, les Affranchis, tout ça. Alors, il me semble que les Affranchis, ça se passe quand même plus tard. L'histoire du film Les Affranchis de Scorsese, ça se passe plus tard. Mais là, ça se passe vraiment pendant l'époque de la Prohibition, et c'est vraiment, voilà, c'est cette époque des gangsters américains, la grande époque du grand banditisme américain, Al Capone, tout ça. Et le jeu est vraiment, vraiment très chouette. Et en plus, il est pas super cher. Il me semble que c'est tu payes plein, pas plein pot. Je crois que en fait, pour 50 balles, t'as la trilogie entière Moins avec que le ça. remake. La trilogie, tu l'as pour 30-40 euros, je crois. Ouais, c'est peut-être 40 euros. T'as la trilogie pour 40 euros, où tu as le remake du 1, le 2 en remaster, donc avec des graphismes améliorés, tout ça, et le 3 en remaster aussi, il me semble. Donc vraiment plutôt bonne affaire. 3 jeux pour 40 balles, et des gros jeux quand même, des jeux qui tiennent longtemps. Oui, parce que même le 3, même s'il est moins bien que les deux autres, il est quand même pas mal, quoi. Enfin voilà, vraiment ça vaut le coup. Si vous aimez les histoires de gangsters et tout, c'est un film, basiquement, c'est presque un film. Et voilà. Et sinon, bah là, en fin d'année, Cyberpunk, hein, j'avais pré-acheté il y a déjà des mois. Et du coup, je me suis lancé dedans. Alors, c'est vrai qu'il y a des bugs. Et moi, j'y joue sur un PC qui tient la route, donc forcément, je suis moins soumis aux problèmes que les autres. Mais je pense que quand il sera patché, et je sais qu'il sera patché parce que c'est des Project Red, ils ont jamais déçu à ce niveau-là, ils ont toujours été du côté des joueurs, ils ont toujours fait. Ils ont toujours écouté. Quand le jeu sera patché, je pense que ce sera un indispensable, quoi. Ce sera un jeu voilà, vraiment très très cool. Pour l'instant, moi je m'ennuie pas et j'ai jamais eu de bugs qui m'ont mis en dehors du truc. Enfin des bugs type crash, tu perds tes sauvegardes, tout ça. Juste eu des petits bugs visuels, des petits trucs comme ça, ou des voitures qui pop en volant en l'air, mais que dès que tu les prends, ça se pose bien, enfin, il n'y a pas de souci, quoi. En parlant de Cyberpunk, il y a un truc qui m'a vraiment retourné, c'est vraiment l'immersion, genre la ville, elle est incroyable, et plus que ça, alors ça fait, alors attention, habile transition, c'est quand tu prends ta voiture, il y a des radios. Et donc dans les GTA, t'as toujours des radios où ils invitent des DJ pour faire une sélection de morceaux un peu cool, tout ça. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont demandé à plein d'artistes reconnus, mais aussi des gens un petit peu moins connus, de faire des morceaux. Et en fait, toutes les radios, il y a une dizaine de radios, toutes les musiques sont incroyables, et t'en as pour des heures d'écoute. Et en fait, j'ai découvert des morceaux, j'ai poncé la BO. Des radios de Cyberpunk parce que elles sont vraiment super cool parce qu'ils doivent faire des musiques du futur parce que ça se passe dans le futur tout ça. Et du coup je glisse lentement vers le sujet musique et j'ai découvert en fait une artiste parce que j'étais tombé sur un morceau qui s'appelle Slime d'une chanteuse qui s'appelle Shy Girl, une chanteuse anglaise. Et la prod avait été faite par Sophie, une productrice anglaise aussi, que je suis depuis un bon bout de temps, qui fait des trucs très très particuliers et Celle qui qui a un fait des style trucs avec vraiment les à elle. toboggans, là? De quoi? Celle qui fait des trucs avec des toboggans? Exactement, des trucs avec des toboggans, c'est tous ces morceaux. Alors il y en avait plein en fait, les images des pochettes, c'était des toboggans. C'était les premiers morceaux qu'elle avait fait. Et elle avait fait un morceau notamment Pony Boy qui est, je crois que je t'avais fait écouter Adam plusieurs Oui, fois. moi je l'ai sur mon téléphone. Voilà. Et en fait, donc un morceau qui s'appelle Slime et qui est vraiment hyper cool. Donc je pense qu'au montage, je mettrai les morceaux en dessous, un petit peu en fond, pendant qu'on parle, histoire de ne pas se faire striker, notamment. Voilà, et en fait, du coup, j'ai un peu poncé cet artiste. Alors c'est très particulier, c'est anglais, donc ils sont toujours un petit peu à la pointe des trucs un peu weird. Toute son esthétique, C'est rigolo parce qu'on avait tout l'aspect vintage années 80 puis années 90, et là je crois qu'on est arrivé dans l'époque du vintage des années 2000 où en fait tous ces clips sont en mode 3D dégueulasse. Moi je trouve ça vraiment ignoble, mais c'est mon avis. Un petit peu genre l'époque Bébé Lily et compagnie où il y avait un personnage en 3D dégueulasse, un peu brillant là, qui dansait, et en fait tous ces clips c'est un peu ça. Et voilà, il y a un autre morceau qu'elle a fait qui est beaucoup plus house, qui n'a pas été produit par Sophie, j'ai oublié le nom du producteur, mais vous le retrouverez facilement. C'est un morceau qui s'appelle Tasty, qui est très, qui a des sonorités très house des années 90-2000, un peu old school, qui est vraiment ultra ultra chouette. De Shy Girl aussi. De Shy Girl, ouais, Shy Girl Tasty, c'est sur le même. Le même EP album, c'est un mini album, je crois, qu'elle a sorti qui s'appelle Alias. Voilà, donc je recommande. Et en fait, j'ai énormément de recos en musique à faire, donc je vais vous laisser parler un petit peu, parce que sinon je vais faire un monologue infernal. Bah alors, moi, niveau musique, je vais être assez rapide, puisque j'ai pas vraiment découvert de trucs qui datent de cette année. Par contre, je suis un petit peu replongé dans le passé, puisque. Merci pour le bruit. je disais, ouais, j'ai donc un peu replongé dans le passé, puisque. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, reprends-toi, Jonathan. Il n'y a rien de drôle. Bon, tu me diras ça. Bref. Du coup, oui. pour la quatrième fois, je sais que j'ai commencé à écouter de la funk, recommencé à écouter de la funk, j'ai pas mal parlé avec Victor en début d'année, et j'ai évolué vers la fin de l'année vers la funk japonaise, et c'est vraiment trop cool, la funk japonaise, vraiment. Incroyable. Écouter la funk japonaise. Donc je vais juste donner deux morceaux très connus, mais juste comme ça si des gens veulent écouter. Le premier, c'est, je pense, le plus connu, c'est Plastic Love de Maria Takeuchi, qui est juste incroyable, écoutez-le. C'est énorme. Et l'autre artiste qui est assez connu, c'est Anri, A-N-R-I. Vous pouvez écouter Last Summer Whisper. Voilà. Bon, c'est vraiment. Ça nous amène dans notre monde. Et c'est vraiment trop cool. C'est incroyable. La funk japonaise, ils ont des. Ah ouais. Ah, ils ont des trucs, c'est des cartouches à chaque fois, quoi. Je vais donner juste un nom de groupe qui est goldé. C'est Casiopea. C-A-S-I-O-P-E-A. Je sais pas si c'est Cassiopeia ou Casiopea, c'est de la frappe, on va se le dire, voilà. Et ouais, c'est vrai qu'on partage beaucoup de funk, et c'est vrai qu'un jour, il faudra qu'on se fasse vraiment une petite radio funk, un jour, ce serait vraiment chouette. Chloé, toi, musique, est-ce que t'es musique, déjà? Parce que c'est vrai qu'on en... Bah, j'ai pas trop écouté de musique particulièrement cette année, bah, parce que la plupart du temps je l'écoute dans les transports en commun, j'ai du mal à travailler avec de la musique dans les oreilles. Le seul groupe que je pourrais recommander qui est assez particulier mais que vous devez peut-être connaître, c'est Two Steps From Hell. voilà, bon, qui est assez connu, je pense. musiqueepique.mp3. Voilà, musiqueepique.mp3, du coup, qui est pas mal stimulant quand t'écris un mémoire, en effet. T'as l'impression d'écrire le plan de création d'Ariane 14, donc c'est assez rigolo. Ouais, c'est clair. Non. Mais voilà, à part ça, si j'ai redécouvert Queen aussi. Donc c'est vraiment un retour vers les classiques qui s'est produit cette année. Bah justement, le temps de le confinement qui a permis de rattraper son retard sur plein de choses, et ça c'est cool. C'est ça. Voilà, ce sera tout pour moi. Ok. Adam ? Oui, alors c'est des trucs qui datent pas forcément de cette année, mais qui sont pas non plus très vieux. Je me suis fait une petite liste. Bah déjà, j'ai redécouvert Alice et moi. Là, il y a genre une semaine, et j'ai beaucoup écouté. Et je crois qu'elle en a fait récemment, là, qui sont sortis cette année, ou il y a moins de 2 ans. Ensuite, deux titres, il y a Riding Solo de Saint Weekend et Don't Turn Around de Big Pig. Donc, Big Pig, c'est la fameuse chanteuse que j'ai entendue et qui faisait des Ah merde, folle. Ah, merde. Enfin, elle m'a rendu fou, justement, ça. Mais ça m'aurait aussi. C'est cool ce qu'elle fait, mais il y a un moment, ça m'a trigger de ouf. Mais infernal. Bah, je comprends. Et il y a aussi un autre groupe de reprises. J'écoute pas beaucoup de reprises, mais qui Pomme. S'appelle. Non. Je savais que tu le dirais. Et justement, je l'ai pas dit. Pamplemousse. Après, il y en a d'autres. Il y a Altingun. Mid, donc M-Y-D. Dombrance qui a fait des trucs très rigolos cette année autour de la politique, genre notamment un morceau Philippe Poutou et qui a plein de déclinaisons remixées par d'autres gens. Moi je trouve juste ça drôle. Il y a un groupe québécois qui s'appelle Bleu Jean Bleu qui fait des chansons très mimes et mimes dans le sens où c'est des sujets du quotidien, genre ils ont fait un truc pour une chaîne de magasins qui arrêtait de distribuer des sacs plastiques. Ils ont fait une chanson qui s'appelle N'oublie pas tes sacs et qui est quand même super joyeuse, super cool à écouter. Voilà. Et sinon un truc que je me suis écouté en boucle, c'est la BO de The Mandalorian. Et ben c'est sympa que t'en parles. Alors, on va juste laisser transition. La parole à Jonathan qui avait certainement un truc à parler, à dire en. Bah, je sais pas, tu voulais partir sur les séries après, c'est ça? Ouais, après, j'ai encore plein de choses en musique. Ouais, voilà. Oui, ouais, bah... Et moi, par rapport à la musique, j'avais un instrument de musique à recommander. Bah, moi, au niveau de la musique, j'ai assez bref, juste un truc à dire, c'est que. Anecdote, enfin, je trouve que cette année, il y a pas mal de vieux groupes, en parlant de retour aux vieux groupes, qui sont revenus sur le devant de la scène. Je pense à côté rock, notamment à AC/DC qui sont sortis de leur tombeau, ou encore System of a Down par exemple, qui ont sorti des sons alors que ça fait, je pense, 10 ans qu'ils n'avaient rien sorti. Donc, sans parler du nouveau Nirvana. Je disais donc. je trouve ça assez fou. Peut-être qu'eux aussi ont été inspirés cette année, mais il y a pas mal de vieux groupes qui retentent de revenir au devant de la scène. Après, je ne sais pas si ça marche. Renault. Qu'est-ce qu'il y a ? Renault. Ouais, et du coup, tu voulais présenter un instrument, c'est ça ? Ça me fait penser à cet excellent moment où, enfin, vous savez, pendant le premier confinement, il y a tous les chanteurs qui se sont dit « Ah, le monde ne peut pas se passer de moi, je dois faire un live. » Et où t'as Raphaël qui a fait un live, et où il y a sa meuf qui l'engueule derrière, je sais plus pourquoi, parce qu'il doit aller faire la vaisselle ou changer son gosse, ou... et là genre il fait mais je fais un live là, j'en ai rien à foutre. Faut que je me le réécoute. Mais ouais, alors moi niveau musique je vais alors attends, oui, ton instrument. Attends, parce qu'en fait j'ai beaucoup de choses à dire, donc on fera une coupure avec toi. Non, franchement j'ai beaucoup trop de choses à raconter en musique. Ok, pendant ce temps je regarde l'anecdote de Raphaël pour la raconter mieux. Ok, donc niveau musique, moi il y a le retour d'Outre-Tombe, comme disait Jonathan, d'un groupe que j'aime bien, qui est très très méconnu, qui s'appelle Sunset. Alors Sunset c'est un side project d'un mec qui s'appelle Danger, qui est un mec qui fait de la musique depuis 2008, quelque chose comme ça, de l'électro, qui arrivait un peu en même temps que Justice et compagnie. Et en fait, il a un side project qui s'appelle Sunset. En fait, c'est des choses avec des instrus très dark, avec des sons un peu type trance. Il parle en français par-dessus avec des choses assez poétiques mais assez sombres. En fait, il y a une chanson, une de ses chansons qu'il avait sortie qui s'appelle Crystal, où ça raconte en fait la mort d'un jeune homme en moto et tout, mais toujours avec du vocabulaire assez assez de notre époque, tu vois. Enfin, c'est assez intéressant. Et en fait, le truc c'est qu'il avait fait un morceau où il parlait d'une femme qui arrivait qui dans une boîte de nuit et qui tuait tout le monde, et c'est arrivé un mois ou deux avant les attentats du Bataclan, et en fait ensuite il a plus rien sorti. Et en fait je me suis dit putain, en fait il a laissé un peu tomber son projet parce que c'était un peu glauque ce qu'il a sorti par rapport aux événements, et là il est ressorti de sa tombe. Ou alors je sais pas, c'est peut-être que il a eu une tournée en tant que Danger et que entre temps il a pas eu le temps de produire des choses en tant que Sunset, et là il a sorti un morceau. Il a sorti trois morceaux. Il a fait notamment un morceau qui s'appelle Britney, qui parle de Britney Spears, qui parle de sa descente aux enfers, tout ça, que j'ai trouvé plutôt intéressant. Je vous invite à l'écouter parce que les paroles sont assez acides en fait. Vraiment, c'est très cynique ce qu'il fait. Ensuite, je voulais parler aussi de Lorne, qui est un de mes artistes préférés, vraiment, de mon cœur. Qui est un mec torturé par rapport à sa musique. Enfin, je pense qu'il doit être torturé parce que sinon, je sais pas comment il fait. Mais il a sorti un morceau qui s'appelle Time Sync avec un clip. Alors, le morceau est sorti l'an dernier, mais le clip est sorti cette année et c'est arrivé en fait. C'était prémonitoire du Covid. Et il l'a sorti vraiment au même moment que... Enfin, au moment où... genre, sur la vidéo, quand il l'a sorti sur YouTube, il y a marqué « This music video was shot before Covid ». Et en fait, c'est un... Ah ouais. Ouais, c'est un jeune... c'est un adolescent, un peu années 80, esthétique Stranger Things, qui se déplace en BMX dans des territoires déserts et qui fait des rides au-dessus de corps qui sont emballés dans du tissu. Donc un peu une esthétique, ouais. Mais c'est Lorne, hein. c'est toujours. C'est marrant d'ailleurs que c'est marrant que les sons de Lorne, on les associe à un peu aux années 80, alors que en soi, oui, c'est pas des sonorités c'est... particulièrement. Ouais, c'est ça. J'arrive pas à me dire ce qui fait. Je pense que c'est plutôt par rapport. Alors là, je vais entrer dans des détails un peu techniques, mais c'est plus par rapport à la texture du son qui est pas nickel, tu vois. C'est un peu. Les sons sont un peu crado, un peu. Ouais. Ils sont un peu ouais, datés. Dans ce cas-là, pourquoi ça nous ferait pas penser aux années 60 ou... C'est pas pareil. Est-ce que ce serait pas plutôt l'effet Stranger Things qui a fait que tous les sons avec des basses comme pas, ça. Parce que en fait les années 60, tu vois, c'était pas non plus les sonorités qu'on avait actuellement. Les premières sonorités électroniques vraiment qui ont été développées, c'était plutôt les années 80 justement. Ouais. Alors, je continue ma folle descente aux enfers. Un morceau de Jamie XX. Jamie XX qui est le beatmaker du groupe The XX. Vous connaissez sans doute. Oui. Jonathan, peut-être. Tu as pas ton micro, mais tu dis oui. Exactement, ouais. Mais en fait, il fait des morceaux très électroniques de son côté. Il a sorti un morceau cette année qui s'appelle I Don't Know. C'est un morceau très particulier qui est vraiment assez perché. Avec des changements de rythme en plein milieu. Enfin, c'est très très particulier. Moi, j'aime beaucoup. Je vous conseille. Ensuite. Je vous recommandais le travail de quelqu'un que je connais, alors que je connais un petit peu. Il a un projet qui s'appelle The Vein, donc The comme T-H-E, américain, Vein, V-E-I-N. Il a fait un morceau pendant le confinement qui s'appelle Venin, avec un clip qui est incroyable, avec plein d'extraits de jeux vidéo vraiment trop cool, qui m'a fait me replonger dans des jeux vidéo de mon enfance. Enfin, c'était vraiment très chouette. Et il a fait tout un EP qui s'appelle The Vein, donc nom de son projet. Et en fait, ce qui est très drôle, enfin, ce qui est marrant, c'est qu'il arrive à mélanger vraiment des paroles en français ou en anglais, des chantées, avec des instrus très inspirés de choses trap, assez électro, hip-hop, et ça rend vraiment très très bien. Je vais en ajouter quelques-uns encore. Désolé, j'ai beaucoup de choses à raconter sur le mec, il a fait une to-do list. Ouais, je fais. Alors une il faut que je dise Spotify. Ça. En vrai, ça pourrait être intéressant. Je ferais peut-être une playlist Spotify Déviation. Ouais. Si on a des auditeurs un jour qui puissent qui se perdent par là. En tout cas, je vous souhaite pas de passer une après-midi avec Victor qui commence à vous faire écouter de ses musiques. Hein. Bah en fait c'est pas une après-midi, c'est une journée. Voilà. C'est-à-dire que en fait c'est très bien, même moi j'adore la musique, hein, mais c'est long. C'est très long. Mais c'est juste too much, il va te dire. Mais déjà quand ça commence par moi j'adore la musique, mais c'est que. Mais oui. C'est ça. Non, mais c'est que le problème c'est qu'en plus c'est que des musiques que j'adore qui me fait écouter. Je suis content qu'il me fasse découvrir des trucs, mais au bout d'un moment. Voilà. Alors, je rajoute, je vais aller rapidement, voilà. Il y a un EP que je vous conseille vivement de quelqu'un qui s'appelle Bolivar. L'EP s'appelle Docteur Bolivar. C'est un musicien qu'on avait invité jadis, à l'époque où je tenais un blog musique. On avait organisé une soirée, on l'avait invité. Et en fait, là, il a sorti un EP qui a un peu tourné, même sur France Inter, des choses comme ça. Et en fait, il a fait un EP, il faut l'écouter vraiment de long en large. C'est une petite histoire où en fait c'est très très nihiliste. C'est quelqu'un qui s'interroge sur la vie avec plein de choses sur la politique, l'environnement, des choses comme ça. Où, en fait, en gros, c'est un mec en dépression. Et en fait, il a un projet qui est assez ambivalent, qui tourne sur le. Il a un côté très clair avec des sonorités très joyeuses et un truc très sombre avec des sonorités très très tristes. Et tous les clips sont incroyables. Je vous recommande la playlist sur YouTube. C'est vraiment très très cool. Il a un morceau où ça fait un moment Sauvons Patrick Balkany. Donc forcément, c'est exceptionnel. Sauvons les gentils. C'est avec ironie. Avec ironie. Et ensuite, je voulais vous recommander Louis Cole, un autre artiste américain, lui cette fois, qui fait des trucs assez funk. Et en fait, il a sorti un album qui s'appelle Live 2019, donc avec des extraits de son live. Ensuite, Caribou, un artiste que j'affectionne particulièrement, qui a ressorti un album cette année que j'ai pas écouté, j'ai pas pris le temps d'écouter. Il s'appelle Suddenly, mais il y a un morceau dedans que j'ai poncé qui s'appelle Never Come Back, qu'il faut écouter parce qu'il est vraiment super chouette. Ensuite, un artiste allemand que j'aime beaucoup qui s'appelle Lorenz Rode, qui est un peu un passionné des synthés, qui a fait un morceau avec un chanteur anglais, il me semble, Jamie Lydell, qui s'appelle Sandpaper. J'avais fait écouter Adam, et qui m'avait demandé, mais ça veut dire quoi, Sandpaper? Et... c'est pas. Attends, ah oui, parce que là, ça me fait penser à le clip que tu m'as montré là avec l'homme moto. Ça, c'est autre chose, ça, c'est. Je sais plus, c'est un. Ah, j'ai oublié son nom. Mais Motorcycle Boy, un truc dans le genre, Santiago, quelque chose. Ah, j'ai oublié le nom. Je vais retrouver. C'est Salvatore Voilà. Ganacci, Voilà. Boy Cycle. Boy Cycle. Salvatore Ganacci, où j'ai toujours pas compris si son délire c'était premier degré ou second degré. C'est Parce... vraiment le clip est à regarder. Ouais, il est incroyable. Mais tous les clips, je sais pas si t'as vu celui où il protège des animaux là. Non. C'est un autre clip où en fait Horse. ça se concentre sur une famille qui moleste des animaux et en fait lui arrive dans une espèce de moto en forme de Santiago. C'est complètement perché. Et en fait il arrive et il commence à molester la famille et sauver les animaux. Et c'est un peu particulier. Et en fait, le truc, c'est qu'il joue sur des festivals type Tomorrowland, des trucs un peu beaufs, tu vois, sur des grosses scènes comme ça. Et en fait, je sais pas si le mec est second degré ou premier degré. Ça a l'air second degré, mais le mec quand même profite bien de son image, je sais pas trop. Mais c'est à regarder parce que c'est rigolo. Donc j'en étais, ouais, Lorenz Rhodes, Jamie Lydell, Sandpaper, un morceau un peu house new disco, hyper cool. Qu'est-ce qu'il y a donc? Je regarde le clip, c'est Horse, et quand t'as dit qu'il arrivait avec une Santiago, je pensais pas que la Santiago c'était genre une Santiago, enfin un truc géant qui lui sert de moto. Oui, voilà, un peu. Voilà, je. Ensuite, un truc. Alors, petite histoire. Désolé, hein, c'est le monologue, l'instant monologue. Peut-être que Adam, tu veux parler de ton instrument à recommander. Oui, enfin, en fait, c'est que il y a peut-être 2-3 ans, je m'étais acheté un kalimba comme ça que j'avais vu dans une boutique de musique que j'avais payé 45 balles et qui avait pas énormément de notes, peut-être, enfin, moins d'une dizaine en tout cas. Et là récemment, j'ai voulu faire un cadeau un peu original à ma mère qui aime beaucoup jouer de la musique. Et du coup, j'ai voulu lui acheter un kalimba. Et il se trouve que, vu que ça, je pense que ça a été pas mal à la mode, enfin il y a eu peut-être un effet de mode, et je l'ai chopé sur Amazon à 25 euros. Il y avait 17 touches, donc plus que le mien, que j'ai payé 45 euros. Et du coup, je me dis que pour quelqu'un, enfin, si quelqu'un peut y mettre le prix, genre juste 50 euros, tu vois, doubler le prix, t'as un truc vraiment, vraiment pas mal. Voilà, c'était mon petit. Si vous voulez, pour pas cher, vous faire un petit instrument sympa qui en plus prend pas de place. Voilà. C'est rigolo parce qu'en plus c'est un instrument. Quoi que tu joues, ça sonne bien. C'est ça en plus, c'est ça qui est bien. Alors je vais continuer ma traversée du désert tout seul avec mes musiques. Alors en fait, je vais vous raconter une petite histoire qui n'a rien à voir, histoire de parler un peu de ma vie. Mon réveillon de Noël, en fait, il s'avère que... Ma mère s'est dit, je vais essayer de prendre un truc que je fais pas d'habitude. Et du coup, elle est allée chez le boucher. Et elle a vu un rôti de volaille fourré au marron. Et s'est dit, yes, ça va changer, je vais tenter ça. Du coup, elle a pris ça. Sauf que c'était pas fourré qu'au marron. Et il y avait une espèce de farce à l'intérieur qui était dégueulasse. Et tout le monde a fait, ben, c'est pas très bon en fait. Et du coup, personne n'a mangé vraiment. Son plat de résistance du réveillon, sauf moi où je me suis forcé, et j'aurais peut-être pas dû. Et du coup, j'étais un peu malade la nuit du réveillon du 24 au 25. J'attends le drame. Et non, non, non, le drame est déjà passé là. C'était. D'accord. Parce qu'elle l'a payé quand même 30 balles, ce putain de rôti, c'est mort. Et en fait, du coup, je n'arrivais pas à dormir. Parce que enfin, vous connaissez quoi, vous avez trop mangé, vous transpirez, vous n'arrivez pas à dormir, vous avez chaud. Du coup, je me suis mis sur mon ordi et j'ai commencé à écouter des trucs que je connaissais pas. Et je suis tombé sur un morceau qui m'a fait phaser de ouf, que j'ai écouté de A à Z, alors qu'il est un peu long. Vraiment, un morceau en fait d'un artiste russe que je suis depuis un moment, qui s'appelle Moa Pilar. Et un morceau qu'il a fait avec une chanteuse qui s'appelle Ushko. Et le morceau s'appelle Volvo VIP Mix. Et en fait, le morceau m'a fait vraiment phaser. C'est un morceau qui est chanté en russe, alors je sais pas du tout ce que ça veut dire, ça se trouve c'est un appel à la haine contre une minorité quelconque. Mais le morceau est beau, malgré tout. Et c'est à moitié électronique, et il y a le morceau original qui part en trance dégueulasse. Et du coup, je l'ai écouté complètement fasciné jusqu'à me coucher, à m'endormir vers 4-5 heures du matin. Jonathan? Alors rien à voir, mais comme ça je coupe un peu ton monologue. J'étais du coup en début d'année, bien avant le confinement, j'ai eu la chance d'aller en Espagne, et c'est là que je me suis mis à pas mal écouter. Du ska punk espagnol. Alors ça m'est revenu parce que je l'écoutais beaucoup en début d'année, un peu moins maintenant. Mais du coup, éventuellement, s'il y a des gens qui passent par là qui aiment bien le ska punk espagnol, c'est peut-être un peu trop précis. Mais il y a des morceaux vachement cool que j'ai pu découvrir. Alors il y a des morceaux connus comme Hablarán las calles. Alors désolé pour l'accent, qui est assez connu. Mais il y a notamment un morceau qui est pas très très connu qui s'appelle Arde la calle ou Calais, je ne sais pas. La calle, ouais, voilà, ouais, c'est exactement. La Voilà. rue. Oui, alors tu parles à quelqu'un qui a parlé en anglais pendant son oral de bac en espagnol. Yes. Il faudra que tu nous racontes ça. Ouais, ça viendra. Mais du coup, vraiment, un morceau, il y a une double pédale dedans. Vous m'en direz des nouvelles. À la batterie? Ouais, à la batterie. Double pédale. Ah, ouais. Vraiment très très drôle. Et du coup, j'en profite aussi pour parler de notre. Style de ska punk, pas espagnol mais occitan, puisqu'on est quand même du sud avec Chloé, donc voilà. Pour faire un petit peu le côté chauvin. Ah bon, ah bon, ça s'entendait vraiment pas. C'est le meilleur département que le Tarn-et-Garonne. Je fallait encore le répéter, tu vois. Du coup, c'est un groupe qui s'appelle Goula Masque et qui font du ska punk occitan, donc assez engagé, mais vraiment très très cool, très festif. un petit morceau qui peut vous plaire, ça peut être Voli Volar. Voilà, ça jump dans tous les sens, on va dire. Ou Mon Pays aussi, qui est très sympa. Et un dernier morceau, parce que de toute façon, je suis lancé. Un morceau un peu plus triste, mais qui est très beau, qui s'appelle L'Arme des Morts. Voilà. Pour des gens qui peut-être un peu moins de ska-punk, mais trop style. Ok. Et voilà. Bon, en tout cas, c'était la petite interlude, pardon. Je ne sais plus parler. Ska-punk. Ouais. Ok. Bah, moi, je vais juste finir par rapport au morceau. Je repense à un truc par rapport au morceau. De Moa Pilar, là, Volvo. Le clip m'a aussi fasciné, le clip du morceau original, pas le VIP mix, où c'est juste des Russes torse nu qui font un pogo dans un parking, mais filmé par un étudiant des Beaux-Arts. Ça tourne mal. J'étais là, ça dure 7 minutes, mais j'étais genre les yeux ébahis devant le truc avec. Du coup, enfin bref, c'est assez fascinant. Et enfin voilà, c'est ça. Et j'ai juste encore deux recommandations. Non. Juste deux. Il y en a une, c'est des copains. Alors je le fais avec le cœur. Avec le cœur, c'est mon ami d'enfance qui a fait un album qui en fait était un Kickstarter pour. Donc je l'ai reçu en vinyle hier, c'est pour ça que je suis refait. J'en parle. En fait. C'est un groupe qu'ils ont fait qui s'appelle FC Moussi et l'album s'appelle Don Quichotte des Bermudes. Vous pouvez le trouver sur YouTube, vous pouvez l'écouter en intégralité normalement. Et en fait, c'est un projet un peu jazz fusion, un peu électronique qu'ils ont fait à plusieurs. Et en fait, c'est un album concept qui est basé sur. Je sais pas si vous connaissez l'émission Striptease. Oui. Est-ce qu'on a vraiment envie de la connaître? Oui. Je connais pas du tout. Oui, oui, c'est une émission de France 3 qui est incroyable. C'est un peu de la socio, hein, en vrai. Ouais, grave. En fait, il y a un épisode qui s'appelle La soucoupe et le perroquet. Qui ouais, parle c'est un peu d'un mec. Oh punaise. Ça parle d'un monsieur qui est en train de fabriquer une soucoupe volante pour partir dans la quatrième dimension. C'est une série documentaire et c'est vraiment un monsieur qui. Donc Jean-Claude Ladra, de son nom, qui était persuadé de construire une soucoupe volante pour partir donc vers le triangle des Bermudes dans la quatrième dimension. Quelques années avant, en fait, il a décidé de faire un périple. Et en fait, il voulait partir vers la quatrième dimension, encore une fois. Et en fait, il s'est mis avec une soucoupe dans l'eau. C'était un ancien de la marine marchande. Et en fait, il a passé 3 mois en pleine mer, au large de l'Afrique. À l'ouest de l'Afrique. Il a passé 3 mois sans vivre, enfin, sans quasiment rien du tout. En pensant pouvoir partir, il s'est fait attaquer par des requins. Enfin, une histoire incroyable. Et il s'est fait repêcher par un cargo... Et en fait, ils ont décidé de faire un album concept basé sur leur lecture du bouquin, donc avec des titres liés à l'histoire de ce mec dans son périple pour essayer d'atteindre, de partir. Et c'est incroyable, quoi. Et au final, une petite découverte d'un truc improbable. Est-ce que vous connaissez Sheila, la chanteuse Sheila? Pas du tout. Une chanteuse qui avait une réputation yéyé. Un peu une chanteuse des années 60, la chanteuse française des années 60. À un moment, elle a décidé de... Elle s'est dit, je vais me lancer dans le disco, dans les années 80. Elle a dit, yes. Elle a sorti un album avec une pochette avec elle, alors qu'elle avait fait que des chansons un peu... Bah, c'est elle qui avait fait L'école est finie. Et elle s'est dit, dans les années 80, bon, bah, je vais me mettre au disco. Et là, elle a sorti un album dont la pochette, c'est elle en tenue de parachute, l'espèce de truc complet, là, où des pieds à la tête, t'es... Voilà. Rouge, suspendu à un parachute, avec devant un ciel dégradé du rose vers le jaune, me semble, et des ptérodactyles. Et elle s'est dit, bah, ça va bien se passer. Spoiler, non. Et en fait, elle a sorti plein de morceaux qui ont eu un succès à l'international, mais pas forcément en France. Et en fait, il y a un album qui est ressorti qui s'appelle Sheila, King of the World. C'était le nom de son album, King of the World. Et l'album s'appelle King of the World, entre parenthèses, Rarities en français, and Remixes. Et en fait, il y a plein de remixes et de morceaux originaux qui n'ont pas été récupérés. ou de mix qui n'ont pas été gardés pour le tirage final. Et il y a plein de choses intéressantes, notamment les remixes de Fred de. Pardon. Les remixes de Fred Folk qui est un ancien de la French Touch, qui est un bassiste et qui fait beaucoup de choses avec des grosses lignes de basse qui tabassent un peu. Et vous savez quoi, j'ai fini avec mes recos musique. Juste musique. Moi je pense qu'on peut applaudir ce moment. Je pense que niveau voilà, Google le, Doc, le tu... fameux... Adam nous a envoyé ça. Pardon. Ouais. Adam nous a envoyé le clip de Spacer. Voilà, c'est... Voilà, les tenues moulantes. Et est-ce Bref. Que, Victor, tu connais Marc Rébillet ? Marc Rébillet, ouais. Je vois ah, putain, yes. Parce que là, justement, j'étais en train de... J'aime pas. Ah d'accord, donc tu n'aimes pas ça. Non, mais en vrai, j'ai jamais trop écouté, mais je trouve que le mec, c'est un peu trop un produit marketing des réseaux sociaux oui. pour être un musicien. Tu vois, genre, j'ai jamais trop écouté, mais le mec, c'est plus un mème que. D'accord, donc en fait, il t'énerve autant que Bleu Toucan ou Requin Bleu Chagrin. Toucan, j'aime bien parce que je les connaissais à leur début où ils étaient pas trop. D'accord. Ouais, mais ils s'appelaient quand même Bleu Toucan. Ouais, je suis snob, y a un problème. Mais bon, on en parlera pour... Après, Marc Rébillet, j'ai jamais écouté à part juste 2-3 okay, vidéos Facebook d'accord. que j'ai écoutées, mais je crois que le mec, c'est quand même... comme on dit, il roule sa bille. Ouais, il est quand même pas si mauvais. Bon, j'avais écouté quelques lives en passant. C'est plutôt pas mal. Bon, est-ce qu'on changerait pas de registre ? Tu veux glisser vers les séries peut-être ? Tu as déjà évoqué Mandalorian. Soit les séries, soit YouTube, soit jeux de société, lecture. Moi, voilà, ouais. c'est ce qui me reste en termes de. Bah, je pense que les séries, c'est peut-être pas trop mal. T'avais parlé tout à l'heure de la bande-annonce, de la BO, pardon, de Mandalorian. Oui, de The Mandalorian. Donc, si t'as d'autres séries, pourquoi pas, donc vas-y. Là, quand j'y pense. Mais est-ce que tu veux pas déjà développer sur Mandalorian ? Oui. Alors, Mandalorian, en fait, moi, de base, je suis un fan de l'univers Star Wars, mais ce qui m'attire, c'est vraiment tout ce qui est Jedi et ville complètement pleine, donc finalement, la prélogie. Et du coup, Victor me tannait pour que je regarde The Mandalorian, et je lui disais, mais bon, j'en ai rien à branler. C'est un mec qui tire des lasers, super. Et j'ai fini par regarder, et là j'étais scotché parce que c'est tellement bien réalisé. Déjà, la musique elle est géniale. La bande originale du film elle me rend fou. Et chaque épisode est super bien rythmé, super bien fait. Enfin, franchement, top. Voilà. Alors, moi j'avais quelques trucs à ajouter par rapport à ça. Rapidement, parce que c'est mes seules recommandations séries, j'ai rien d'autre à dire. Mais moi, je suis très content d'avoir retrouvé des vieux designs de Ralph McQuarrie, qui est un petit peu le mec qui a imaginé visuellement l'univers de Star Wars. C'est le mec qui a été engagé par Lucas au début pour faire des concept art pour l'univers de Star Wars. Et notamment dans l'épisode 2 de la saison 2, il y a des créatures... sans trop en révéler, qui sont des trucs qui datent des années 70-80 qui avaient été imaginés par Ralph McQuarrie. Et moi, ça me fait tellement plaisir de voir des trucs parce que ce mec a été un petit peu viré de manière un peu malpropre. Et ça fait plaisir de voir que son travail est récompensé, entre guillemets. Il y a plein de choses qu'il a imaginées visuellement. Il y en avait déjà dans la série animée Star Wars Rebels au niveau de certains vaisseaux. Les A-Wing notamment, les versions de la série animée, en fait, qui sont les prototypes des A-Wing qu'on voit dans les films, notamment l'épisode 6, et ben, dans Star Wars Rebels, on voit la version qui avait été dessinée par Ralph McQuarrie bleu, avec. Enfin bref, ceux qui ont vu le sauront. Donc moi, ça m'a fait vraiment plaisir, et notamment, même si c'est un peu bizarre et ça sort un peu du truc, je trouve que la prise de risque, c'est. La prise de risque était très intéressante sur le dernier épisode de Mandalorian, le dernier épisode de la saison 2. Il y a une certaine musique qui accompagne notamment de certains personnages qui est un peu qui est un peu dubstep, un peu bizarre, un peu électronique. Personnage Je me souviens plus d'une musique qui m'avait choqué comme ça. Je vais regarder. je te l'envoie Ok, merci. par écrit pour que Oui, pardon, du ça ne coup. spoile pas tout le monde. Et en fait personnage contre qui se battent contre qui se bat notamment le personnage principal de la série, qui est plutôt ballsy pour le coup, mais qui marche plutôt pas mal. Enfin, moi je trouve que ça change par rapport à l'univers de Star Wars. Et c'est un peu particulier, c'est vrai. Je sais que ça peut être clivant comme truc, mais moi je trouve que c'était plutôt intéressant. Je vous laisse continuer. Alors moi juste pour Mandalorian, comme ça on conclut là-dessus, sauf si Chloé veut ajouter quelque chose peut-être. Mais Non, non, c'est pas du tout mon univers, donc mais je suis toujours là. mais clairement pour Mandalorian, moi je pense que j'ai juste ajouté un truc, c'est qu'il faut s'accrocher, je pense, pour la première saison. Moi j'ai eu beaucoup de mal et je sais que beaucoup de gens se sont arrêtés à la première saison, qui je trouve est très très très loin en dessous par rapport à la seconde, qui s'autorise beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de même dans le. Moi, j'ai notamment un épisode qui m'a marqué dans la saison 2 où t'as un vrai côté western qui est assumé, côté western samouraï d'ailleurs. Et c'est un épisode que je trouve dans l'esthétique vraiment très très beau. Et dans la saison 1, j'ai pas trop retrouvé ça. C'était plutôt convenu et plutôt basique. Et je sais que moi, j'ai décroché et je me suis forcé à m'y remettre et j'ai pas du tout regretté. Donc voilà. Alors après, au niveau des séries, je vais enchaîner rapidement et je laisserai les autres conclure s'ils ont d'autres séries à présenter. Juste avec deux séries. Enfin, deux et demi, ouais. La première, c'est pas une nouvelle série, mais il y a eu une saison fin d'année dernière, début de cette année, qui c'est American Horror Story. Et une saison qui se base sur les années 80, un truc avec une volonté très kitsch assumée, mais qui je trouve vraiment très sympa. Et c'était plutôt un retour au vieux slasher qui était, je trouve, bien réalisé. Et pour lier avec ça, il y a une série qui du coup est sortie cette année qui s'appelle Ratched, qui reprend un personnage principal, une actrice qu'on retrouve souvent dans American Horror Story qui s'appelle Sarah Paulson, et qui va donc incarner l'une des principales méchantes du classique Vol au-dessus d'un nid de coucou. Donc voilà, donc la série est un préquel avec expliqué en fait l'histoire de l'infirmière, je crois que ça s'appelle quelque Ah chose ouais, Ratched. et du coup, Mildred. est-ce qu'il faut avoir vu... Enfin, parce que moi j'ai vu Vol au-dessus d'un nid de coucou, mais il y a un moment, du coup, est-ce qu'il faut le revoir avant de regarder la série? Je ne l'ai jamais vu et j'ai pas eu besoin de ça pour comprendre. Exactement. Alors après, c'est assez surprenant quand t'as jamais vu parce que ouais, c'est vrai que c'est assez spécial, hein. Il y a des scènes où t'es là un peu wow. Mais franchement, je l'avais mis aussi dans ma liste de recommandations avec Mildred Ratched et qui a une belle histoire aussi, mine de rien, avec Gwendoline Briggs, du coup. Et juste du coup pour D'accord. conclure, et après je laisse Chloé peut-être détailler sa liste qui, je n'en doute pas, est très très longue, presque aussi longue que celle de Victor pour la musique. Que celle de Victor avec sa musique. C'est une série qui du coup est sur OCS, je crois, qui s'appelle The Outsider, qui est l'adaptation d'un roman de Stephen King, donc c'est un auteur que j'ai pas mal lu. Et qui se place en fait dans un contexte où il y a un meurtre assez sanglant d'un enfant, et on accuse un homme qui est assez lambda, un homme qui est apprécié, qui est entraîneur d'une équipe de baseball, et lui il clame haut et fort son innocence, et en fait tout va se passer autour de ce pitch assez simpliste, mais ça va partir dans un truc assez, voilà, assez sombre, un petit peu surnaturel, enfin surnaturel même, et c'est vraiment bien réalisé, c'est un bon casting, donc voilà, je vous invite à le regarder. Alors, j'en ai 25, pas du tout. Non, moi c'est surtout basé sur Netflix parce que j'ai que ça en streaming en fait, légal, Bah, bien super, entendu. la e-santé, ça paye pas assez. Non, c'est que j'ai déjà beaucoup à faire avec Netflix pour je suis comblée, tu vois, j'ai besoin que d'un seul service de streaming. Et si tu veux, j'ai des solutions non légales qui peuvent... Non, Non t'inquiète, mais j'ai ce qu'il Victor, faut, déjà mais qu'on je va veux se juste faire pas en claim à parler. cause de la musique que tu vas mettre en fond, je veux pas qu'en plus... C'est ça. Non, la première série, c'est The Witcher. du coup, qui est en fait inspiré d'un jeu, d'un livre. En fait, on ne sait plus trop à force qui a inspiré quoi dans un univers. Donc voilà, avec un résumé de deux lignes. Exer, donc je ne savais pas que c'était son prénom, Geralt, reprend la mission inachevée d'un autre sorceleur dans un royaume traqué par une bête féroce. Yennefer se forge un avenir magique au prix d'un terrible sacrifice. Et j'ai vachement apprécié cette série puisqu'elle faisait écho à de longues heures de jeu passées sur The Witcher 3, donc qui a bien dû manger au moins. Alors attendez, je vous sors les heures en même temps. J'y ai passé 114 heures, voilà. 114 heures de jeu. Nickel. Seulement. Seulement. T'as pas fait les DLC, toi? Je les ai commencés, alors j'ai fini le jeu, enfin les quêtes principales et je commençais les DLC et après j'ai commencé à avoir un travail. Non, voilà, ça c'était Grave erreur. c'est ça, une très belle surprise, je trouve. Juste Victor, t'as combien d'heures sur The Witcher? Alors, je peux pas calculer parce que j'avais commencé le jeu, enfin, j'avais fait en entier le jeu sur l'ordi de mon ex. Donc c'est sur son compte Steam. Mais là j'ai recommencé le jeu et bon j'en suis à 90 heures et j'ai pas fini la quête principale quoi. J'en suis à Skellige quoi à peine. Ah oui, donc toi tu fais vraiment toutes les quêtes secondaires. D'accord. Moi je vois un point d'interrogation, j'y vais. J'y vais, c'est ça. Point final. Nice. Donc voilà, The Witcher, et du coup bah, tu peux en faire une reco à la fois de livres, de séries et de jeux. Three in one, voilà. Après, une autre. Juste, excuse-moi, tu as lu les livres? Non, pas du tout. Ok, Je ok. suis une fausse fan, du coup, parce que j'ai pas Non joué au mais, 1 et au 2 non non plus. non mais parce que je me posais la question parce que c'est vrai que je connais peu de personnes qui ont lu les livres et c'est vrai que apparemment la série est plus fidèle aux livres qu'au jeu parce que en fait en gros les jeux se sont affranchis de l'histoire des livres et ils ont commencé leur histoire après l'histoire que racontent les livres. D'accord. Et du Ah coup, ouais, non, voilà. j'ai pas assez de culture en The Witcher pour, pour juger ça. En tout cas, j'ai passé un bon moment. Après, en série, c'est The Handmaid's Tales, donc La Servante Écarlate, donc pareil, inspiré du livre de Margaret Atwood, donc qui est diffusé sur Amazon Prime, je crois, où voilà, on parle d'une dictature où il y a des femmes donc stériles qui n'arrivent plus à procréer. Pardon? Elle n'est pas payante sur Amazon Prime? Je sais pas, ou alors c'est OCS peut-être, Ouais, par qui contre, c'est fait un OCS, ouais. partenariat avec HBO, je crois, ouais. Bon, en tout cas, dans l'illégalité, on peut tout avoir. Donc voilà, qui est très intéressant aussi et qui est pas mal perturbant. Mais du coup, qui est quand même assez triste, je pense, dans des temps dans lesquels nous vivons actuellement. Je sais pas si c'est une bonne idée de le regarder. Bah, moi, en vrai. J'aime bien cette série, mais je crois que j'ai décroché au bout de la saison 3 parce que c'est un peu comme les malheurs de Sophie quoi, ou Princesse Sarah au bout d'un moment. C'est là, bon, est-ce que sa vie à cette dame va s'améliorer? Parce que Bah, non, tu touches du enfin. bois et je crois que c'est à la fin de la saison 4, t'as un gros retournement qui fait que je pense que la saison 5 va pas mal bouger. Enfin, on D'accord, touche bah, du bois. faudrait peut-être Après, que c'est je toujours m'accroche alors. pareil. Comment? Faudrait que je m'accroche alors que je re-regarde. Essaye. Après, peut-être que t'étais pas dans la bonne période de vie pour regarder la saison 3. Après, tu sais, souvent dans les séries, bah, t'accroches pas, puis tu regardes un peu après et ça repart. Voilà. Et après, donc Rached, on en a parlé. Dracula aussi, en Ah mini-série. Je sais oui, pas si vous l'avez regardé. ouais, le de trois épisodes là. Ouais, ou 3 ou 4, un truc comme ça. Mais qui était pas mal intéressant avec un concept. Bah, je crois que c'est une des premières mini-séries qui a bien marché Bah, chez eux, si je me en trompe. fait c'est ouais c'est les mecs qui avaient fait Sherlock il me semble. Enfin c'est les personnes qui ont fait Sherlock Ah qui ont ouais. fait la série Dracula et du coup ils sont restés sur le même format trois épisodes par saison et tout. Et ça marchait bien chez Sherlock et ça marche bien là quoi. Ouais. Donc c'était très intéressant aussi. Assez peu, enfin vraiment pas mal. Ouais, format mini-série et tout, ça passe bien. Bon, après il y a Dark, donc une série allemande. Je sais pas si vous l'avez regardé, il faut vachement s'accrocher pour le coup. Ça fait des allers et des retours dans le passé, le présent, le futur, le passé-passé et le futur-futur. Ben, je trouve moi Dark, il y avait peut-être la saison de trop, tu vois. Parce que les deux Comment? premières saisons, je les ai trouvées vraiment cool, mais la troisième, j'ai senti que c'était limite un peu poussif. Après, c'est personnel, mais j'ai eu beaucoup plus de mal à la finir. Ouais. Bon, après, ils ont introduit une nouvelle notion, donc tu sais, t'as le temps et l'espace-temps, où vraiment là. Mais c'était beaucoup plus hardcore, et si t'as pas ton wiki avec tous les personnages de la série, t'es terminé, quoi. C'est vrai aussi. Voilà, The Crown aussi, que je connaissais pas du tout, qui pourtant avait déjà sorti pas mal de saisons, sur l'histoire de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Les demoiselles du téléphone aussi. Oh non. Donc, eh ouais, et si, et si. Ouais, mais t'en es à quelle saison aussi? De quoi? T'en es à quelle saison aussi? J'ai tout fini, je crois. Mais à un moment donné, ça devenait lourd avec leurs histoires à l'eau de rose, là. Ah Tu perdais bah tout l'intérêt de voilà. la série, je trouve. Mais Enfin. c'est surtout le moment où tu te rends compte que comment elle s'appelle la Alba? C'est pas vraiment une féministe en fait, c'est juste la meuf, elle fait tout dans son intérêt. Ouais, c'est ça. Et moi à ce moment-là, j'ai fait ok, ouais, c'est bon, merci, au revoir. Ouais. Bah, c'est vrai qu'au début, c'était hyper intéressant parce que ça avait vraiment. Bah, c'était les années folles, hein, je crois, au tout début de cette série-là. Et ouais, bah, tu vois le progrès, enfin, toute l'émancipation de la femme, surtout en Espagne. Je trouvais ça intéressant. Puis après, c'est parti en live avec des histoires d'amour et c'est vrai que faut accrocher. Voilà. Et après, j'avais Lock and Key aussi, que vous avez dû regarder, qui a pas mal marché. Non? Ah, vous l'avez pas regardé? Non, mais je sais que c'est un truc Marvel, il me semble. Ouais, je crois que c'est inspiré d'un comics, alors je. Ou de Ah ouais? Marvel, Ah non, ouais. je confonds avec Cloak and Dagger. Autant pour Ah moi. oui. Non, mais même Lock and Key, je crois qu'il y a une. Si, si, c'est une série de comics, hein. Je suis en train de regarder. Écrite par Joe Hill, pardon, fils de l'écrivain Stephen King. Donc comme Ah quoi, les bah, chiens font je pas l'ai des chats. toujours dit en même temps. Ouais. Voilà, donc qui a été pas mal aussi, j'ai passé un bon moment. Et après, une belle surprise aussi, je sais pas si vous l'avez vu, c'est The Liberator sur Netflix, qui a en fait une série pour adultes, mais avec des. Enfin, je m'entends qu'il va avec ce qui va suivre. Avec des enfants. Non, non, non, sous forme de dessin animé. Plutôt d'abord dire. Je veux dire d'abord plutôt. C'est une série sous forme de dessin animé. Mais à destination des adultes. Ouais, quoique ça passe toujours pas. Et donc voilà, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale où en fait tu suis l'histoire de Félix Shotgun Sparks. Et voilà, et tu suis son bataillon Thunderbirds. Et c'est assez intéressant par le graphisme en fait qui est utilisé. Si vous avez l'occasion de voir au moins la bande-annonce, c'est assez spécial. On aime ou on n'aime pas. Voilà, c'est tout pour moi, mon monologue. Bon, ça De va. série. Merci de ne pas m'avoir laissé seul dans la voix du monologue. Non, mais j'ai essayé d'interagir. Est-ce que vous avez peut-être vu Ouais, Vous c'est ça. connaissez Moi, j'ai peut-être. même pas essayé, hein, parce que moi, c'était en mode genre vraiment, j'ai fait mon truc. Point. Personne n'avait le droit d'intervenir. C'est ça. Je vais juste avant qu'on passe à autre chose, parce que j'ai Bah, moi deux aussi, séries j'avais des qui me. recours. Ah, pardon. Désolé, complètement. Désolé, j'étais complètement Avant qu'on zappé. passe à Mais autre chose, non, mais. t'en as pas parlé au début, déjà, Tessie? Non. Désolé alors, Bah non, je te j'ai laisse. évoqué The Mandalorian et puis après, je sais pas, on est parti sur autre chose. Vas-y, tu as la parole. Alors attends. Bah super. Parce que il y a un Tu autre truc me que coupes je pour voulais ça, dire. Voilà, on non? te Bon, bah, donne alors la du coup, j'y parole et vais. puis tu ne parles même pas, en fait, Ah, ferme ta bah, gueule. voilà. Non, mais c'est parce que je cherche un animé. Il y avait un animé que je voulais recommander, ça m'énerve, je le trouve pas. Bah, du coup, est-ce que je peux parler pendant que tu réfléchis? Vas-y, vas-y. Merci, c'est vraiment trop gentil. Alors du coup, il y avait deux séries aussi que j'avais pas évoquées. La première, c'est une série Netflix qui s'appelle Alice in Borderland, qui est une adaptation d'un manga. Alors c'est un jeu, enfin c'est un jeu d'acteur du coup assez spécial au début, faut s'y faire. Mais la série est vraiment très très très très très cool pour ceux qui aiment un peu toute la thématique de rentrer dans un jeu. Moi, je sais que c'est un truc qui m'a toujours fait fantasmer, entre guillemets. Et la série aborde une thématique vraiment, enfin, un aspect qui est assez sombre. C'est par moments proche de Saw, on va pas se mentir, ça c'est gore. Mais il y a quand même un côté thriller à côté qui est très cool. Et l'histoire de base est vraiment intéressante. Du coup, voilà, c'est pour public averti, mais c'est vraiment une très très bonne série. Il faut s'accrocher, le premier épisode n'est pas terrible, mais ça s'améliore après par la suite. Et après, l'autre série que je voulais évoquer, c'était sur Amazon Prime, du coup, et c'est une saison 2, c'est la saison 2 de The Boys, qui pour moi est l'une des séries qui aujourd'hui arrive à mieux parler des super-héros. The Boys, pas The Voice, désolé. Mais pas loin, pardon. J'avais entendu The Voice, j'étais là, Merde. ah ouais! Mais pas Matt Pokora, The Voice. Mais clairement, la série vaut le coup pour pas mal de trucs. Bon, elle a pas mal fait parler et beaucoup de gens l'ont déjà acclamé. Mais ouais, elle vaut le coup, ne serait-ce que pour l'aspect duquel elle prend les super-héros et qui soigne un peu du côté DC et Marvel dont on a l'habitude. Voilà. Il y en a, Adam, tu peux tout lâcher. Lâche tout. Vas-y. Oui, alors moi je suis pas forcément très animé. J'adore tout l'univers des animés, mangas, tout ça. Mais juste, je regarde très peu d'animés parce que c'est vraiment commercial. Enfin, je veux dire, tout est fait pour gagner du temps. Et du coup, moi, les scènes de 10 minutes où t'as un personnage qui va faire Naruto! Et puis t'as l'autre personnage Naruto! Naruto! Tout ça parce que t'as Naruto qui a fait un truc. Genre, il a remis son bandeau et t'as ses 10 camarades qui vont dire Naruto. J'ai jamais compris. Enfin, bref. Par contre, il y a un animé qui est vachement cool et la dernière saison est sortie. C'est un seinen, donc un animé pour adultes, qui est L'Attaque des Titans. Comme ça, ça dit rien. Mais vraiment, quand on regarde, il y a tout. En fait, c'est l'intrigue. L'intrigue est juste géniale. Voilà, c'est tout. Il y a un autre animé qui s'appelle Your Name, qui est sur Netflix, où c'est un mec, bah, quand il ferme les yeux pour s'endormir, il se réveille dans le corps d'une fille qui, elle, se réveille dans son corps. Voilà. Et puis après, ils reviennent dans leur corps respectif. Film plutôt touchant. Voilà. Enfin, animé. Après, en film, j'avais regardé Enola Holmes, qui est sorti cette année, qui était très mignon, très sympa, très frais. Voilà. Qui est bien aussi parce qu'il y a un moment où Sherlock Holmes, qui est vachement dans le bah, je résous des énigmes parce que ça m'intrigue, tout ça, et qui reste vachement en retrait des questions politiques, bah là, il est mêlé au fait que bah il y a sa sœur, on veut en gros la foutre dans un couvent et tout parce que bah c'est une meuf quoi. Et il rencontre à un moment une dame d'un certain âge engagée dans le mouvement féministe qui lui fait remarquer, donc à Sherlock, que bah ouais, lui il s'en fout parce qu'il n'est pas concerné par ça et tout. Enfin, il y a un peu une prise de conscience de Sherlock et je trouve ça cool que Sherlock Holmes soit un peu politisé. Voilà. Encore et toujours. On en Encore et revient toujours. toujours. Et du coup, bah, il y a la série Sherlock que j'avais jamais vue et que j'ai vue cette année et que j'ai trouvé très cool. Et est-ce que tu vas parler de Star Trek Discovery? Évidemment, j'allais y venir. Star Trek Discovery. Comment aborder cette série? C'est juste qu'elle est géniale en fait. C'est vraiment, en fait, ce qui est génial, c'est que c'est une vision futuriste. Et finalement, c'est vrai que l'autre jour, on parlait du fait que, ouais, dans les visions, les films et tout, et œuvres futuristes sont souvent très négatives. Et là, Star Trek Discovery, finalement, c'est pas très négatif. C'est une vision relativement positive du futur où il y a une entente entre toutes les planètes, où ils ont vraiment, enfin. La planète Terre a évolué, enfin, et les habitants de la planète, non seulement, pas seulement technologiquement, en plus c'est ça le truc, mais politiquement, démocratiquement, Le peuple est très éduqué, ils sont en avance sur plein de trucs, et les enjeux sont géniaux, et notamment tout l'enjeu autour de du fait que merde, comment il s'appelle, le commandeur Saru, ce soit une espèce prédatée. Il y a tout un arc autour de ça, qui est génial. Mais bref, je ne veux pas spoiler. Je sais pas si tu veux rajouter un truc sur Star Trek Discovery ou Moi, Victor. je veux juste dire un truc, c'est quand même que ça. Désolé, je coupe totalement Victor, mais que ça commence quand même dans une période de guerre froide. Donc je suis pas sûr que ce soit très éloigné d'une dystopie quand même, tu vois. Parce que peut-être que les thèmes sont pas très lourds de la manière dont ils sont abordés, mais enfin, le monde est loin d'être parfait, quoi. En fait, c'est vrai que le monde est loin d'être parfait, c'est dans une période de guerre froide, mais au niveau d'un point de vue enfin, humain, en fait, c'est une période assez prospère d'une certaine manière. D'un point de vue uniquement humain, c'est plutôt d'un point de vue de la Fédération de Starfleet, où en effet, c'est un statu quo un peu compliqué, mais mine de rien, tu vois, enfin. La situation de Starfleet, au niveau de l'individu, quand toi tu te projettes dans l'individu qui travaille dans Starfleet, ben c'est une société où il n'y a plus de monnaie, où les gens en fait juste passent des diplômes pour devenir. Ils font ça parce que ça leur plaît, c'est pas. Ils font pas par. Enfin, tu vois, ils sont pas genre engagés dans l'armée ou quoi que ce soit, c'est genre. Ils sont engagés dans un truc. Parce qu'ils pensent que l'idéal que propose Starfleet, en l'occurrence, c'est vraiment orienté vers la découverte, quoi. Même s'ils sont engagés dans un truc qui est un petit peu. Dans la situation où commence Star Trek Discovery, c'est un espèce de statu quo de guerre froide. La situation de l'humain en tant qu'espèce, elle est plutôt cool, tu vois, genre pour la Et majorité si des j'aimerais humains. rajouter aussi que, bon, en ce moment, on voit dans la plupart des séries et films, enfin, en tout cas, il y a un essai de faire intervenir l'homosexualité, des personnes noires, tout ça. Et il y a beaucoup de séries et films où c'est très mal fait parce que c'est genre, on l'a rajouté parce qu'il fallait. Et du coup, ça le normalise pas. Alors que là, en fait, c'est très bien amené parce que on n'insiste pas dessus, parce qu'on se dit dans cette série, bah juste c'est normal. Et du coup, on s'attarde pas dessus parce qu'on s'en fout. C'est juste normal que le personnage principal soit une femme noire xéno-anthropologue qui a y a un couple gay dans le truc et tout. Et la série en fait pas tout un plat, genre, hey, regardez, on est LGBT friendly et tout. Non, non. Non, c'est juste C'est vraiment la ça situation est comme s'intègre au ça, truc, point quoi. quoi. Enfin, on. Ouais. Et c'est ouais. C'est vachement bien. C'est la légende de Korra aussi qui fait ça. J'en parlais l'autre jour avec une amie. Enfin bref, voilà. Légende de Korra qui est vraiment une super série. Du coup, ouais, il y avait Star Trek Discovery, il m'en restait deux. C'était Big Mouth. Donc là, il y a la quatrième saison, je crois, qui est sortie. Et il y a un truc, bon, un peu plus. Enfin, pas détente, mais c'est V-Wars. C'est genre. Avec Matt Damon. Je crois que c'est Matt. Non, c'est pas Matt Damon. Je sais plus comment il s'appelle. Et c'est une série qui est sortie début 2020, je crois. Et bref, et c'est en fait un virus préhistorique qui est sorti à cause de la fonte des glaces. Qui est en fait un prion. Bah, qui vampirise les gens, voilà. Et donc il y a des vampires. Ok. Ouais, c'est sympa, quoi. Ça passe le temps. Série, Ok, sans pression quoi. oui. Voilà. Est-ce que on passerait pas à d'autres types d'œuvres culturelles, type livres? Oui. Chloé, il me semble que tu avais des livres à recommander. Ouais. Alors, un livre. J'ai surtout, j'en avais déjà parlé la dernière fois, il me semble. J'aime beaucoup l'auteur Daniel Keyes, donc qui a écrit Des fleurs pour Algernon, dont je vais parler, je crois, la dernière fois, justement, avec l'intelligence, une souris et Charlie, donc, je crois que c'était ça son prénom. Et aussi, cet auteur a écrit sur l'histoire de Billy Milligan, donc l'homme aux 24 personnalités, si je ne me trompe pas. C'est pas 23 personnalités, puis avec le traitement 24. C'est pas une histoire comme ça. Ah, peut-être. Mais après, il en a enfermé quelques-unes, en fait, tu vois. Tu te rappelles l'histoire avec les projecteurs, comme tu l'as lu aussi. Donc, qui est assez intéressant en fait. Au début, tu pars en mode putain, c'est vraiment un connard parce qu'il a violé et agressé deux ou trois femmes, il me semble, aux États-Unis dans les années 60. Et ben, en fait, quand tu découvres son histoire psychiatrique, ben, ça, il devient très attachant comme personnage et tu sens qu'il y a eu vraiment une souffrance derrière. C'est ce qui a aussi induit du coup la suite, enfin. Une sorte de suite, les mille et une guerres, enfin j'ai pas cité le premier, pardon, c'était les mille et une vies de Billy Milligan, de Daniel Keyes. Et ensuite il y a eu bah, une suite donc avec les mille et une guerres de Billy Milligan, donc qui lui est plutôt axé en mode politique sur le système pénitentiaire et psychiatrique aux États-Unis à cette époque-là. Et donc c'est quand même assez hardcore. D'ailleurs c'est un livre qui ne s'achète plus puisqu'il a été interdit de vente. Ou alors vous le trouverez à 150 euros sur internet. Donc si jamais ça vous intéresse, il faudrait plutôt vous rapprocher de votre médiathèque ou votre bibliothèque et faire tourner le commerce local. Non, Ok. voilà, qui a été très touchant là-dessus. Et après, dans un autre registre, on en parlait au tout début avec l'histoire du travail. Que les gens étaient très sereins, ils étaient meuniers. Ah, c'était toi, Adam, qui disais qu'il était meunier et ça lui convenait comme ça. Là, c'est Bullshit Jobs de David Graeber. Ah oui, ben bah, je l'ai pas mis Voilà. dans les recos, mais je l'ai lu du coup, mais ouais. Comment? Oui, c'est vrai que je l'ai pas mis dans les recos alors que je l'ai lu cette année justement. Qui est un livre très intéressant d'un auteur qui nous a quittés d'ailleurs cette année, Oui. David Graeber. Paix à son âme. Voilà. Et donc vraiment très intéressant comme livre, assez compliqué à certains moments quand même, il faut le dire, il faut être quand même assez accroché, c'est pas une lecture du soir avant de s'endormir, quoique, pour certains peut-être. Mais voilà, il raconte Bonjour Adam. voilà, il raconte surtout avec le progrès technologique, voilà, le travail utile et qu'on considère utile et non utile. Et voilà, des petites anecdotes en plus inspirées, voilà, avec des gens avec qui il a interagi et tout ça. Donc c'était un très très bon livre, une très belle découverte, je connaissais pas du tout et j'ai très bien accroché. Voilà. Ok. Moi j'avais une reco en bouquin, une seule. C'est un bouquin que j'ai lu à Noël, que j'ai juste à peine commencé, mais je pense que ça va être très très bien. De Fabrice Caro. Fab Caro, sous son pseudonyme de BDiste, qui fait des BD assez cyniques et assez rigolotes sur le comment le la vie d'aujourd'hui. Et en fait, c'est un livre qui s'appelle Le Discours, c'est un roman, cette fois-ci, qui s'appelle Le Discours, qui va être adapté en film d'ici peu. Et en gros, qui raconte l'histoire d'un mec qui s'est fait plaquer et du coup, son beau-frère lui dit, ouais, faudrait que tu fasses un discours pour le mariage de ta sœur, en fait. Et ça l'emballe pas particulièrement, en fait. Et parce que lui, en gros, son délire, c'est qu'il a envoyé un message à 17h30 à son ex. Et que à 18h30, elle a vu le message et qu'elle lui a toujours pas répondu à 19h. Et voilà. Adam? Oui, c'est qu'en fait je suis en train de marquer des d'autres recos en même temps là que. Ah, ça... En tout cas, à d'en préparer pour ces recos. Oui. Bah, du coup, moi, je vais en donner deux rapidement. J'ai pas grand-chose. La première, c'est une reco, pas forcément sur un livre en particulier, mais sur un format que j'ai trouvé vachement cool. Ils ont édité un manga, en fait, les romans de Lovecraft, qui est donc quand même le père Ah on va oui. dire, de la dark fantasy de manière générale. Et c'est vraiment très, très, très, très, très beau. Et c'est très agréable à lire. Alors, moi, j'ai lu que les chefs-d'œuvre, j'ai lu que l'Appel de Cthulhu, pardon. Mais il y en a plein qui sont sortis. Il y a Dans l'Abîme du Temps, par exemple. Et ouais, ça vaut vraiment le coup. Les dessins sont magnifiques. Et pourtant, je suis pas un énorme fan de manga. Et en plus, c'est dans des éditions jolies en simili-cuir, tout ça. Enfin, ça fait vraiment grimoire, Exactement. quoi. Non, c'est vraiment super beau. Super agréable et je crois pas que ce soit si cher que ça, je pense que c'est une quinzaine d'euros. Mais ça regroupe vraiment tout le roman. Et ouais, c'est plutôt classe. Et après, la seconde reco, je pense que j'en avais déjà parlé. C'est un bouquin qui est déjà un petit peu ancien. Il date de 2009, le premier tome, mais c'est Le Nom du Vent qui est pour moi l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur roman de fantasy que j'ai eu depuis longtemps. Pour ceux qui connaissent un peu qui lisent la fantasy, je pense que c'est à peu près au même niveau que L'Assassin Royal de Robin Hood. Et voilà, c'est quelque chose qui est vraiment, qui parle beaucoup de magie, mais de manière très poétique et très différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc j'ai pas forcément envie de raconter l'histoire parce que j'ai envie que les gens découvrent par eux-mêmes, mais vraiment ça voilà. Adam? Oui, alors j'arrive. Voilà. Allez, allez, Allez, allez. le joueur Alors, français. 25 pages après. Il y en a certains que j'ai eu à Noël. Je vais pas tous les donner. C'est qu'en fait, Noël, j'ai fait le plein de bouquins venant de alternatives économiques. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une co. Waouh, quel fun. Toi, tu sais t'amuser, ouais. Ouais, je sais. Bon, bah, bonne soirée à tous, donc. C'est une coopérative qui fait des articles et des bouquins donc bah, d'économie et qui a pas spécialement de bord politique. Hein. Si on devait lui en donner un, c'est plutôt centre-gauche, mais ça dépend quoi. Ça fait, font vraiment intervenir de tous les auteurs. Mais ils ont quand même un esprit relativement critique. Et bref, ils ont fait un bouquin qui s'appelle 40 idées reçues, et qui vient en fait d'une revue qu'ils ont faite, qui s'appelle Oblique, qui est une revue tout en infographie. Donc bah c'est. On apprend plein de choses, et donc c'est sur des idées reçues, notamment en économie, mais pas que. Par exemple, il y a l'idée reçue que le bac aujourd'hui est donné à tout le monde, et en fait, ils montrent que. Bah en fait, il est donné surtout qu'à une seule partie de la population qui a amélioré ses taux de réussite au bac, contrairement à une autre. Enfin bref, je vais pas m'allonger là-dessus. Il y a un autre bouquin que j'ai reçu cette année, qui a été réédité cette année justement, je crois, qui s'appelle Pas de pitié pour les gueux sur les théories économiques du chômage de Laurent Cordonnier. Donc c'est un économiste qui revient sur toutes les théories. Qui explique le chômage et comment lutter contre, et qui est relativement abordable. Voilà. Il y en a un autre qui est toujours une revue de alternative économique qui s'appelle Économie politique, c'est le numéro 88, et c'est Le féminisme à l'assaut de l'Homo economicus que j'ai commencé là et qui est juste génial. Voilà. Il y a un autre bouquin qui s'appelle Abondance et Liberté de Pierre Charbonnier, qui revient sur toute la construction en fait dans les sciences économiques du mythe autour duquel l'abondance, c'est-à-dire vivre dans l'opulence, le fait de produire beaucoup, donc d'avoir de la croissance, serait signe de la liberté de l'homme, puisque bah, plus on a de choix, plus on est libre. Voilà. Il y a un autre bouquin qui est de Nicole Pigné qui s'appelle Le design et le vivant. Et c'est notamment dans ce livre qui est évoqué le concept d'esthésie, qui est un concept sympa de la sémiotique. Encore deux autres bouquins. Où va l'argent des pauvres de Denis Colombi, donc qui explique en fait. Comment souvent on peut avoir l'idée reçue que les pauvres sont pauvres parce qu'ils gèrent mal leur argent, alors qu'en fait on se rend compte qu'ils le gèrent très bien, mais que c'est pas ça le souci. Et ça me fait penser à un bouquin qui a fait fureur cette année, l'an dernier, qui s'appelle Père riche, père pauvre, qui est. Je suis en train de le lire en plus. Comment? Je suis en train de le lire. Père riche, père pauvre? Oui. Oh non. Ça transpire le Mais. capitalisme, ça me fait mal au cœur. Ah, Mais mais. bon, écoute, il faut de la culture. C'est vraiment la lie de l'humanité, ce genre de bouquin de développement personnel. Où le mec, tu te dis, mais est-ce qu'un jour, t'as fait de la sociologie, quoi? Enfin, est-ce qu'un jour, C'est t'as. ça. Mais non, apparemment non. Ça, ouais. Bref, et. Mais faudrait en reparler un jour dans une émission, je sais pas, mais. L'autre bouquin, c'est Le français est à nous par Laëlia Véron, et j'ai oublié le nom de l'autre autrice. voilà, qui est un bouquin très abordable et qui explique en fait, oui, justement, c'est dans le titre que le français est à nous et ça permet de répondre aux gens souvent qui font chier sur de l'orthographe ou sur des mots en disant ah ben non, mais ce mot il n'existe pas, machin, et en fait, ça explique que une langue. En fait, elle est sociale et que c'est beaucoup plus compliqué que juste bah c'est écrit dans le dictionnaire donc ça existe ou c'est pas écrit donc ça n'existe pas. Voilà, c'était mes recommandations. Merci Adam pour ces recommandations. C'était. Ben, de rien. Ah bah, on sait comment s'amuser chez toi. C'est clair. Mais en plus, je vous vois dans le chat vous foutre de ma gueule pour les anniversaires des gosses. Mes gosses liront ça. Ils seront très heureux. Le soir avant d'aller se coucher, yes. Et ben, tes gosses seront hein malheureux. Non, non, parce qu'après, ils feront la prépa ENS, ils rentreront à l'ENS, puis ils auront. Ils foutront le feu. Ils auront juste à passer l'oral de la grègue, et voilà. Alors. Est-ce que vous aviez d'autres choses à recommander? Moi, je sais que j'ai d'autres très rapides recommandations à faire avant de Ouais, terminer. moi sur YouTube, enfin des chaînes YouTube et un jeu de société. Ok. Et Chloé, t'as quelque chose à recommander encore ou t'as fini? Moi, c'est bon, j'ai fait le tour, j'ai fait les livres, les séries, jeux vidéo, films, j'ai pas vu de film particulier, mais voilà. Non, moi, c'était bon. Ok. Et Adam, Jonathan, Ben, pardon. moi, je pense que c'est bon aussi. Éventuellement, juste reparler d'Oriflame, dont j'avais parlé la dernière fois, qui est un très bon petit jeu de société. Mais sinon, non, je pense que j'ai fait le tour. Bon, je vous laisse. Ok, bah je vais terminer en vitesse avec Jonathan, La avec Adam, fatigue. juste histoire de vous libérer. Moi, j'avais un lit. En fait, ces derniers temps, sur YouTube, je me suis un peu perdu et je me suis passionné pour les chaînes de mecs qui faisaient des dioramas, parce que je trouve ça ultra reposant et c'est assez fascinant à regarder. Il y a notamment deux mecs, un mec qui s'appelle Boley Hobbytime, qui fait des dioramas avec des figurines notamment. Il a fait, en fait, pour chaque épisode de Mandalorian qui est sorti, il a fait un petit diorama. Vraiment assez fascinant à regarder. Et ensuite, Thalasso Hobbieur. Donc, Thalasso comme une Thalasso et Hobbieur comme Hobby avec ER à la fin. Et un mec qui fait notamment des trucs, des scènes sous-marines, qui a fait des trucs pour en référence au jeu Subnautica, qui est un jeu assez fascinant. Et c'est assez rigolo à regarder. Et ensuite, j'avais deux autres choses à recommander. Un projet d'amis qui ont commencé à faire des petits carnets. Des petits carnets pour écrire. Hein. Donc, qui sont vraiment très très chouettes. Donc, il y en a plusieurs types. Il y en a avec des lignes, d'autres avec des carreaux, d'autres avec des points ou juste vierges. Et ça s'appelle Tendre Papier, leur projet. Vous pouvez trouver sur Etsy. Leurs carnets en plus sont pas chers. Ils sont à 9 euros. Et ils sont vraiment super chouettes et ils ont été faits sur des machines des années. Enfin, du 19e siècle. Donc, c'est vraiment super, super chouette. Et ensuite, un petit projet même qui me plaît beaucoup. Un mec qui s'appelle Simon de Tuilière, qui s'amuse à faire des enluminures, mais qui représentent des enluminures type Moyen-Âge, mais qui représentent des trucs de la pop culture. Et il est actuellement en train de faire un projet participatif sur Kiss Kiss Bank Bank pour financer un bouquin qui montre à la fois ces enluminures un peu rigolotes et en plus parle aussi de l'art de l'enluminure au Moyen-Âge parce que c'est aussi toute une histoire. Voilà. Je crois que j'ai fini avec mes trucs. Adam? Oui, je voulais conseiller le jeu de société Unlock, mais je crois que je l'ai déjà fait, donc je vais pas m'attarder Non, tu dessus. l'as jamais fait. Ah bon? Ah. Non, jamais. Oh punaise, qu'est-ce qu'il a dit? Pardon. Unlock, qui est juste un jeu qui simule très bien les escape games. Voilà, il y a plusieurs histoires, c'est vachement cool. Jouez-y, voilà. Yes, meilleur vendeur. Je l'ai offert à mes Bah. parents pour Noël, voilà. Sérieux? Ouais, Ah, et ils cool. sont contents. Ah, bah. Même chez les boomers, ça marche. Mais oui, c'est ça, parce que moi, j'y ai fait jouer ma mère, des oncles et tout, ils étaient très contents. Même si ils ont peut-être un peu plus de mal à comprendre. Genre, par exemple, moi, ma mère, elle me fait souvent, quand on y joue, je vais dire, j'ai besoin de la carte 55. Et elle va me dire, alors, j'ai pas la 55, mais j'ai la 56, si tu veux. oui, d'accord. Bah, très bien. Sinon, en termes de chaîne YouTube, je vais le dire très vite, surtout qu'il y en a que j'ai déjà dites. Alors, dans les trucs très culture sociologique, politique, économique, on a Game of Earth, Politicon, Eureka et Grégoire Simpson. Voilà. Grégoire Simpson qui est très bien parce que là, il a fait des vidéos sur l'épistémologie des sciences sociales. Là, j'attends avec impatience une vidéo qui va faire de debunk de Stéphane Debove, qui est apparemment un mec assez connu dans le monde zététique. Voilà. Et d'ailleurs, Game of Earth, qui est sur la même plateforme que nous, qui met des podcasts aussi, il y a ses vidéos en podcast sur PodCloud. Voilà, Sérieux? je Oh, l'avais vu. génial. Bah, faudra que j'aille écouter parce que j'adore vraiment cette personne. Ok. Voilà. En plus, là, elle a fait deux vidéos, ces deux dernières, c'est sur l'économie féministe, génial. Et une autre chaîne un peu plus joie, qui s'appelle Retake. Et en fait, c'est des doubleurs d'animés japonais, enfin des doubleurs français, qui font des parodies des animés qui doublent habituellement. Du coup, c'est assez marrant parce que on y croit. Enfin, la parodie, on y croit parce que c'est les vraies voix. Voilà, et c'est plutôt drôle. Même quand on n'a pas vu l'animé, enfin, il y en a, j'ai regardé, j'ai jamais vu l'animé, mais j'ai quand même trouvé ça drôle. Voilà. Ok, bah je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on avait à dire pour l'année 2020. On a fait une petite rétrospective, on a recommandé plein de choses, alors il y a plein de choses à écouter, à regarder, tout ça, à lire. On va conclure là-dessus. Et Du coup, donc, on continue de faire une reco en conclusion. c'est ça. Alors, C'est ça le pour les principe, conclusions, je connais des mecs qui sont vraiment forts en conclusion, donc je vais vraiment vous les recommander. Bref. Non, parce que oui, Chloé a très très envie de dormir. C'est vrai que elle fait partie de la France qui se lève tôt, il faut le dire. La fameuse, hein, la légendaire, hein, on sait qui pas va au si c'est charbon. une légende urbaine ou pas, mais la France qui se lève tôt apparemment existe. C'est ça, qui ne s'est pas encore dédouané de son salaire, contrairement à ce que dit l'auteur de Père riche, père pauvre, donc. C'est vrai. Donc je pense que ouais, on va finir là-dessus. Alors, petit big up aussi. Alors, je ne sais pas qui est cette personne, mais il y a une personne qui s'est connectée sur notre Discord. Parce qu'en fait, je ne sais pas si je vous avais dit, mais du coup, notre podcast, j'ai mis quelques liens. Et étant donné qu'on n'a pas de page Facebook, page Twitter ou quoi que ce soit, j'ai mis en lien web notre Discord. Sauf qu'on ne fait rien dessus. Et du coup, j'ai eu. Enfin, j'ai eu une notification, quelqu'un s'est connecté dessus, et depuis, il est parti. Parce que, en effet, il ne se passe rien sur le Discord. Dommage. En tout cas, s'il nous écoute, parce qu'apparemment, c'était. Enfin, tu vois, j'ai vite fait regarder le profil, il n'y avait pas d'amis communs, donc c'était pas quelqu'un qu'on connaissait particulièrement. Donc, gros big up à lui, l'aventurier. Si tu veux revenir, on sera heureux de discuter avec toi. C'est vrai qu'on n'est pas trop sur Discord, Reviens, s'il te mais plaît. frère, t'es notre seule communauté. Aide-nous. Non, mais blague à part, voilà. Si on essaiera éventuellement de faire vivre ce Discord, c'est vrai qu'on n'est pas trop, on n'est pas trop dessus parce que, voilà, pour plein de raisons. Mais voilà. Donc, on va conclure là-dessus. Est-ce que vous voulez faire un mot de la fin? C'est vrai qu'on le fait de temps en temps. Est-ce que, Comme dans vas-y, Camoulox. Chloé, c'est à toi d'inaugurer un mot de la fin. Peu importe le mot. Tu sors un mot, le premier qui te vient à la dans le... parallélépipède rectangle. Ça fait deux mots. Ça fait Du deux coup, ça en mots. fait deux. Donc Ah on prendra mince. que Mais j'ai transgressé la parallélépipède. règle. Le Donc on rectangle ne garde sera que pas retenu. parallélépipède. Ok. Adam? Syntagmatique. Merci. Jonathan? Orange. Ok. Choucroute, eh bien, on vous souhaite une bonne écoute. Et on se retrouve la prochaine Voilà. fois pour peut-être éventuellement un autre épisode, peut-être encore sur le même sujet, une petite rétrospective 2020. Au cas où vous avez pas bien entendu les recos musique de Victor. Exactement, les recos musiques De ou ouf. les recos livres de Adam, qui sont très très quali. Histoire de se marrer un bon On... coup, n'hésitez pas à Voilà. revenir. Alors, Mais c'est vrai, Adam me le fait problème, remarquer c'est que je que. souhaite une bonne écoute à la fin, donc j'espère que vous avez passé une bonne écoute. Mais si tout le monde écoutait mes recos livres, est-ce que le monde ne se porterait pas mieux? Je sais Ben, pas, en tout cas, peut-être il que sera le en monde serait dépression. dépressif. Voilà. En vrai, est-ce qu'il On va faudrait pas tous faire un suicider. épisode Oh non. contre-reco? De quoi? Faudrait pas faire un épisode de contre-reco, genre dire ça vraiment le lisez pas ou le regardez pas. Genre bah père riche, père pauvre, tu vois. Ah ouais, pas mal, pas mal. Ça peut être rigolo en effet. Et c'est vrai qu'on avait éventuellement pensé à faire un épisode aussi. Enfin, j'avais pensé tout seul en fait dans mon coin, j'avoue. Mais un épisode des attentes 2021, qui pourrait être intéressant aussi à faire. Genre, qu'est-ce qu'on attend de 2021? Eh bien, ce sera peut-être dans un prochain épisode. En attendant, on vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, Je voilà. sens que t'as eu du mal là, Et. t'allais dire bonne écoute. Ouais, non, mais tu sais, je sais pas, alors, je recommande une vidéo YouTube, qui est encore sur YouTube, c'est le moment où un journaliste France 3 Région, je sais plus lequel, a fait un reportage sur la mort de Carlos, où il se lance hyper chaud, et il fait, en fait, c'était Carlos, donc le chanteur qui est mort, et puis à un moment, il fait, oui, donc Carlos, saltimbanque et tout, on connaît Tirelire Pimpon, l'énorme Big Bisou, et ça se termine sur, on lui souhaite bien de... bon courage, et ça se termine là-dessus. C'est un peu ma vie actuellement. En tout cas, au revoir à tous. Salut! Salut. Salut. Salut.